Je dis rien, ça se trouve, t'es en live là. Bah oui, bonsoir. Bonsoir. Et à toutes et à tous, et attendez, bienvenue attendez, pour ce 68e numéro du podcast du collectionneur. Voilà. J'ai un truc à dire. Après, il y a les gens qui disent, mais pourquoi en fait, à chaque fois, vous commencez, vous riez? Mais c'est parce que Boss dit qu'il dit des bêtises. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait, je suis de retour et en pleine forme. En slip. Ouais, c'est ça. Ah, mais justement, ça tombe bien, parce que ce soir... Ça va être, on va parler d'un des réalisateurs de jeux préférés de Boss Dig, c'est ça? Oui. Il y avait bien ça. On peut dire ça, Boss Dig. Je ne suis pas là. D'accord. Et vous m'avez perdu. Et donc on s'est dit, voilà, l'occasion fait le larron, et comme un jeu Kojima, ça sort pas tous les ans, on s'est dit que ce soir, on allait parler de la carrière, de la déjà longue carrière d'Hideo Kojima. C'est vrai. Voilà. Il a toujours, j'ai l'impression qu'il a toujours 20 ans, mais c'est faux. Koji nul pour les intimes. Ah, oui. Oh, j'ai oublié Koji. Non. Il n'a plus tout à fait 20 ans. Et il est à l'origine de pas mal de choses. Mais bon, ça, on va en parler juste après les news, comme d'habitude. Et s'il nous reste un peu de temps à la fin, je vous parlerai d'un jeu. D'un jeu, même d'une paire de jeux, mais. Master System. On aura l'occasion d'en reparler. Non, pas de Master System. Pas de Sega ce soir. ouais, je crois. Comprends pourquoi le temps il est dégueulasse en ce moment. Et donc, on va tirer, allons-y. Dimanche. Comment sont ces news par une poubelle. c'est bien ça, commencer par une poubelle. Oui, c'est mais la meilleure des poubelles. Ah ouais, la poubelle dans laquelle on trouve un schéma. Le schéma de conception de l'Atari 7800, c'est ça, monsieur? Alors, voilà, je suis tombé sur un truc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, c'est donc 50 pages de tous les schémas de l'ingénierie de l'Atari 7800 qui a été retrouvé. Alors, ce qui est une excellente nouvelle. Alors attention, hein, parce que bon, il y a toujours le truc, on a retrouvé ça dans une poubelle, tu cliques sur la vidéo et c'est pas ça. Donc je méfie quand même un petit peu du truc, mais apparemment, tous ces documents ont été dans les mains de atarimuseum.com, qui a scanné tout ça, donc si vous voulez aller jeter un œil à tous ces documents, et j'ai regardé 3 ou 4 pages, après attention, hein, si vous comprenez pas les circuits imprimés... Y jetez pas un œil, ou alors par curiosité, donc voilà. Ça par contre, c'est une excellente nouvelle pour des éventuelles puces de remplacement, parce qu'il y a quelques composants dans la 7008 qui sont des composants propriétaires, ou même aussi pour un futur, entre guillemets, futur, comment dire, ah, comment ça s'appelle, projet FPGA, voilà. Oui, d'accord. Donc ça, c'est plutôt... Parce qu'on a un exemple, il montre un schéma logique. Ouais. Donc en fait, c'est... Donc les schémas, ça va de 1983 à août 84, et ça couvre toutes les puces en fait, un peu bizarres. Donc c'est Tia, Maria et Stéphanie, je crois. Voilà, c'est trois puces. Vous inquiétez pas qu'il y ait des noms féminins dans les puces des consoles Atari, c'est comme ça depuis la 2600. Donc malheureusement, venez pas vous plaindre à moi, c'est pas moi le coupable. Donc voilà, donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand j'ai vu ça un matin, je me suis dit d'accord, ok, pourquoi pas. Mais ouais, c'est quand même surprenant que c'est pu être sauvé quand même, parce que je veux dire, c'était dans la poubelle, quoi. Je veux dire, oui, effectivement. Alors par contre, je sais pas si Beyond a mis le lien dans le chat. Non, je vais le faire. Okay. C'est juste que j'ai pas le chat sous les yeux. Hop. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, comme je disais, à voir exactement dans quelles circonstances ça a été trouvé, ça, on sait pas vraiment. Ou alors, des fois, c'est un peu romancé, on va dire ça comme ça. Oui. C'est pour ça que je préfère dire, on verra bien. Le principal, c'est qu'ils aient retrouvé le tout, et puis après, j'ai envie de dire, on s'en moque un peu, quoi. T'as posté le lien, ou c'est mon chat qui est asthmatique? Non, bah en fait, j'arrive pas à accéder au chat, et du coup, là, je suis un peu embêté. Ah ok, bah, je le fais, alors. C'est bon. Au moment où tu dis ça, ah bah voilà, ça vient enfin de... Ah, donc moi, mon chat est asthmatique, c'est ça? Bah non, en fait, c'est... Ouf, voilà. Ah, merci bien, voilà. J'en étais... Oh, on est bien décalé, le service technique est à l'œuvre. La régie au taquet. C'est Pat Logan, merci Pat Logan. Et donc, sur le coup, on peut passer à la news suivante. On va parler très rapidement, parce que j'aime pas trop leur faire de la pub, mais je tenais à en parler pour dire du mal, comme d'habitude. I Am 8-Bit sort des reproductions pour fêter, entre guillemets, la super compilation Aladdin, le Roi Lion, qui coûte déjà suffisamment cher comme ça. Donc, ils refont des reproductions du jeu Roi Lion sur Super Nintendo et Aladdin sur Mega Drive. Limité chacune à 4500 pièces. Évidemment, vous avez une chance sur 6 d'avoir une cartouche qui brille dans le noir ou on ne sait pas trop quoi. Et surtout, le tarif, $100 pièce. Donc, si ça vous fait plaisir d'acheter des reproductions 100 balles de jeux qui vous coûteront entre 10 et 20 euros d'occasion complet en état quasi neuf. Voilà, faites-vous plaisir. Là. Exactement, ouais. Voilà. Autrement, vous pouvez attendre quelques temps et vous les retrouverez sur eBay au quadruple ou quintuple du prix. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, moi, je le redis, je comprends la reproduction de jeux qui aujourd'hui valent extrêmement cher et sont très difficilement abordables ou trouvables. Qui sont rares, des jeux qui sont super rares, qui n'ont pas été mis à beaucoup d'exemplaires. Mais des reproductions d'un jeu comme Aladdin Mega Drive, je vois pas. Ah, c'est un peu comme si tu t'amuses à faire en fait une repro de Mario World. Désolé. Mais... Et en plus, Aladdin Mega Drive, c'est le jeu d'origine. Vous n'avez même pas la version du jeu qui a été corrigée dans la compilation qui reste, lui, principal attrait de cette compilation, justement. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Comme si Aladdin Mega Drive avait besoin d'être corrigé. Bon, c'est passons. Authentique. Voilà, sachez-le. C'est authentique. C'est authentique. Ceux qui vont l'acheter et qui vont vouloir y jouer vont pleurer du sang. Et oui, Bozik est de retour, effectivement. Enfin, physiquement. Après. Oh, mais il est en forme, hein, je mentalement pense, hein. Et spirituellement, je sais pas trop. Je suis fatigué. Il est en forme, mais en forme de quoi? On sait pas encore. C'est monsieur Bozik est là, mais en même temps, Bozik est obligé d'être là. C'est lui qui va lider le podcast. Donc... Ah, oui, non, mais c'est clair. Hein, s'il était pas là pour la spéciale Kojima, il y a un problème. Ensuite, une petite news qui n'est pas franchement une bonne nouvelle. Alors après, ça concerne tous les États-Unis. Donc, je vous mets l'article de The Verge, ce n'est pas sale, qui parle d'Amazon et Nintendo qui auraient apparemment conclu un deal qui aurait pour effet assez immédiat que chaque produit d'occasion émanant de Nintendo doit être validé, le vendeur doit faire valider ses produits ou valider leur authenticité auprès d'Amazon, de Nintendo, de qui donc ? J'ai pas franchement bien compris. Monsieur Chou, toi, t'avais, t'avais suivi. Il y avait un antécédent avec Apple, apparemment. Moi qui suis connaisseur de ce genre d'entourloupe et surtout d'entourloupe de chez Apple, je suis particulièrement bien cette communauté que j'apprécie, des gens qui pensent que il n'y a rien qui existe à part leur iMac et leur iBidule, et le reste c'est tous de la merde. Donc en fait Amazon avait passé un deal avec Apple, ou c'est plutôt Apple qui avait fait chier Amazon, pour virer tous les vendeurs de tierce partie, tous ceux qui vendaient à la fois pièces détachées, hardware d'occasion et software d'occasion. Donc moins cher, parce qu'ils y vendaient moins cher. C'est même pas ça. Même pas. Selon Apple, c'était de mémoire pour des raisons de sécurité des utilisateurs. C'est beau. C'est beau, mais l'important, comme je dis toujours, c'est d'y croire. Donc, on n'en est pas à la première entourloupe avec, entre guillemets, Amazon et des autres éditeurs, constructeurs, machin. Et je ne sais plus qui, il n'y a pas longtemps, a passé aussi un deal comme ça avec Amazon et s'est passé un peu sous le manteau. De toute façon, il y a eu aussi des trucs bizarres à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces... Je ne sais pas si c'est une rumeur, mais qu'à un moment donné, les jeux Nintendo allaient arrêter d'être moins chers sur Amazon, où il n'y en aurait plus autant. Oui, mais il n'y a pas très longtemps. Ouais. Voilà, oui. On avait déjà entendu parler de ça, je crois. Ah, mais ça, ce n'était pas une rumeur, ça. Ça s'est vraiment passé. Il y a eu une période de plusieurs mois où il n'y avait plus de jeux Nintendo sur Amazon. Parce que justement. D'accord. Amazon France, hein, parce qu'ils les importaient d'Angleterre. Voilà. D'accord. Mais ça s'est arrêté maintenant. Tout est reparti. Enfin, truc, après, voilà, après, pour continuer à parler très brièvement d'un truc que je connais bien, le problème de beaucoup de constructeurs, et je pense que Nintendo rejoint Apple dans certaines pratiques, c'est qu'ils ne veulent pas que des gens vendent des trucs qu'ils ont achetés. Voilà. C'est entre guillemets, ta Switch, tu l'as acheté, tu la gardes. Ton jeu, tu l'as acheté, mais tu te débrouilles. Mais ils ont, ouais, mais ils n'ont pas envie que tu te fasses de l'argent dessus. C'est ça, c'est des sous qu'ils n'ont pas eux. Bah, à la limite, moi je leur suggère. Nintendo, on sait qu'ils sont comme ça. À la limite, je leur suggère d'interdire les Easy Cash, les brocantes. Bah, si c'est voilà. Ils le feraient. Ils le feraient. Hein. Je pense que c'est le seul constructeur de jeux vidéo qui le ferait. Ah oui, je pense que Boss dit, oui. Ils n'ont pas de pitié. Ça reste quand même les seuls à avoir fait fermer les sites d'élimination. Donc ils nous parlent de lutte contre le. La contrefaçon. Piratage, la contrefaçon. Alors après, la contrefaçon est réelle sur certaines consoles en particulier. La GBA. Je switch, j'y crois pas. Ce qui est GBA, DS, 3DS, la contrefaçon est réelle. Là, on est d'accord. Mais non, la Switch n'est pas encore concernée. On verra si ça va avoir un impact déjà en Europe, hein, parce que faut que ça arrive jusqu'à nous. Non, mais tu sais très bien qu'ils veulent tuer le marché d'occasion parce que c'est un truc aussi pour eux de ressortir leurs anciennes IP, de faire des remasters. Ils sont en plein dedans de toute façon. Et même pas seulement pour les remasters. Ils sont en plein dedans, mais pour l'eShop. L'eShop n'existe plus, mais c'est plus pour l'abonnement Switch maintenant. Oui, ouais, mais c'est ça, oui. C'est vrai que c'est plus l'eShop maintenant, mais c'est pour ça. Mais oui, de toute façon, ils se sont jamais cachés. Non. Ils n'ont jamais aimé la revente de leurs jeux. Occasion, c'est quelque chose qu'ils détestent. Ouais. Pour continuer rapidement sur le coup, on va sauter vers l'autre news Nintendo dont on allait parler. Donc, alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est un coup d'épée dans l'eau et pisser dans un violon. Ouais, bon. Mais l'UFC Que Choisir ouvertement mis en demeure Nintendo de sommer Nintendo de donner des explications concernant ces Joy-Con Drift et surtout de prendre en charge la réparation gratuite de tous les Joy-Con Drift. Alors, évidemment, à l'échelle du monde, bon, je pense pas que ça va changer grand chose. Bah, c'est pas... Non, je crois bah après, je comprends. Mais tout en demeure Nintendo France. Oui, mais ouais. Les Américains, ils avaient fait un peu la même démarche aussi. Hein, avec les ouais, Américains. Mais aux Amériques, il y a une class action. Ah. Et... Ouais, voilà. Voilà. C'était pas la même. Hein. Aux États-Unis, ils leur font un procès. C'est voilà. Pour les morts demeure, tu vois. C'est pas la même chose. C'est que nous, les class action, en France, ça n'existe pas. Alors attention, l'UFC va quand même poil plus loin quand même que la mise en demeure. La mise en demeure, je croyais que c'était que ça, mais apparemment, ils cherchent des appels à témoignages. Oui, parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux faire une class action en France. Oui, non, mais enfin bon... Tu peux ouvrir un truc à grande échelle. Mise à partir, j'ai acheté une console, les joysticks, c'est de la merde. Oui, mais c'est pas faire. Eh ben non, mais il n'y a que comme ça. Justement. Il n'y a que comme ça que tu peux intenter un procès après. Si jamais ils arrivent à réunir suffisamment de témoignages qui attestent qu'il y a vraiment ce problème, ils peuvent dire à Nintendo, voilà, on va intenter une action en justice. C'est votre problème. Et il n'y a que comme ça que ça peut agir. Alors, je comprends qu'ils le fassent, mais Nintendo, ils s'en foutent. Ah ouais, non, mais totalement. Ils s'en foutent, moi. Ah bah, la réponse, elle a été... Ouais. Pas la rate. Quelque part, s'ils en avaient quelque chose à carrer, ils auraient pas... ce serait pas un problème qui traînerait depuis 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme il n'y a pas... Juridiquement, il n'y a rien. Juridiquement, pour l'instant, tu peux rien faire. Quand tu vois que moi, j'ai eu le premier Joy-Con Drift après... 4 mois de console, quoi. J'en ai eu deux. À la sortie de Mario Kart 8, moi je l'ai eu. Donc ça devait être pas longtemps problème, après la sortie. Moi, alors je le dis hein, pour ceux qui sont dans ma commu sur YouTube, j'arrête de lire les messages, j'arrête de répondre aux, excusez-moi, je vais être franc, aux débiles qui mettent de l'huile, du WD-40 et je ne sais quelle saloperie dedans. C'est pas mon problème, c'est le vôtre. Faut réfléchir à ce qu'on fait avant. J'ai lu plein de messages comme ça aussi dans plein d'endroits. J'arrête de répondre à ça. J'ai laissé un pavé dans la description d'une vidéo pour dire voilà, si vous avez des questions, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est là. Voilà. Et m'embêtez plus. Je vais quand même laisser les commentaires, mais je réponds plus et j'ai désactivé les commentaires. De toute façon, les notifs pour ces vidéos. Parce que j'en reçois entre 2 et 12, 15 par semaine. Et j'en peux plus. À chaque fois, je réponds les mêmes choses et je deviens de plus en plus soupolé à répondre aux mêmes choses. C'est là où tu vois qu'il y a effectivement un problème. Quand tu vois que c'est une des vidéos les plus vues et que régulièrement on t'envoie des messages en te disant on approche des 60 000. On sait que le problème il existe. Et le pire, tout à chacun, on a connu le problème. J'ai été étonné d'une chose surtout. C'est pas le fait qu'il y ait autant de vues. C'est le fait que pendant un moment, personne n'en parlait. Bah, il y avait quand même des voix dissidentes, on en avait déjà parlé. Il y avait quand même des gens qui disaient, il y a un problème. On a un problème. Bon, enfin bon, après je pense qu'on va pas refaire le monde sur... Non, sur... Voilà, non, non. Dernière petite info que je suis allé glaner à gauche et à droite. La dernière mise à jour en date de la Switch, alors c'est carrément un aveu dissimulé de la part de Nintendo, mais donc ils ont, comme d'habitude, Nintendo ne dit pas ce qu'ils mettent dans les mises à jour, mais il y en a qui ont fouillé. Ils ont mis un système de compensation de Joy-Con Drift logiciel. T'as un recalibrage des joysticks aussi, je sais pas, parce que en fait, alors le recalibrage est automatique à partir du moment où la console détecterait que ton Joy-Con a un léger drift au bout de tant de secondes. Alors, c'est carrément un aveu que Nintendo sait très bien ce qui est en train de se passer, hein, bien sûr, pas de souci. Mais par contre, le truc, c'est que ça marche pas. Et ça, ça marche pas. Ça marche de manière mode, ça marche tant que ton drift est très modéré. Dès que ton drift est plus important, voilà, terminé. Mais le problème, c'est qu'il a même, t'as même pas besoin de forcer sur la manette pour qu'il soit important. C'est ça qui me rend fou. Mais parce que j'ai acheté une Switch Lite la semaine dernière, là. Et en fait, t'as carrément une option dans le menu, et je l'avais jamais vu avant, où te propose de recalibrer tes joysticks. Oui. C'est pas un truc automatique. Le recalibrage est là depuis le 1, je pense. Hein. Ouais, d'accord, ok. Je savais pas. Oui, parce que moi, c'est ce que la première fois que j'ai eu le truc, c'est le premier truc que je suis allé faire. D'accord, ouais. Bon, bah. Ça même ça n'a jamais marché. Bon, bah voilà, je dis de la merde. Ouais, je vais être honnête et complet. Ce problème, sur toutes les manettes où il y a des sticks analogiques, vous êtes susceptible de l'avoir. Mais il est vraiment ultra présent sur les Joy-Con. Voilà. C'est histoire de pas non plus enterrer Nintendo sur 10 pieds sous terre, même si sur ce plan-là, ils ont totalement fait de la merde. Mais voilà. Mais de toute façon, Nintendo va mourir, n'oubliez jamais. Et surtout, mettez pas d'huile dedans, hein, je vous en supplie, pas de WD-40, après vous faites ce que vous voulez. Mais... pissez dedans, voilà. Mettez de l'huile de tournesol, ça marche. Ah, moi je faisais un petit peu de... Ça suffit, assez parlé Nintendo, maintenant on va parler du meilleur constructeur du monde, de Sega, et on va parler surtout de deux Sonic pour le prix d'un. D'un premier, bon, je mets la vidéo là, qui est très surprenant par sa qualité, d'une adaptation de premier Sonic Master System sur une Amstrad GX4000. Ah, j'en suis pas revenu quand j'ai vu la vidéo. Oui, alors c'est ce que j'ai mis comme commentaire en plus, hein, Monsieur Chou, quand t'avais mis la vidéo, c'est surprenant, et je trouve ça même plus joli que la Master System en vrai. Vraiment, hein. Alors il manque cette fluidité, alors, et puis le son est quand même... Alors, mais le reste... On va essayer de rafraîchir notre mémoire. Oui. La Master System, processeur quoi ? Un Zilog Z80. Amstrad CPC, oui. La même chose. Mais là, c'est basé sur l'architecture d'un Amstrad CPC+. Donc, oui. Il me semble... Je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Il y a une meilleure palette de couleurs et des trucs comme ça. Donc... Oui, c'est ce que je t'avais dit. Pour le fait, on voyait dans Burning Rubber déjà qui était beaucoup plus beau que la version Amstrad classique en fait. Voilà. Donc on se rapproche quelque part d'une Master System un peu boostée. Oui. Mais moi je suis désolé, je préfère quand même la fluidité de la version Master System. Là, ah ben oui. Par moment, il a un peu de mal, hein, la mise au point. Oui, je suis d'accord. Et puis, l'écran 4 tiers aussi qui est un peu galère quoi. Mais bon, enfin pas 4 quarts, mais 4 quarts en fait, c'est un carré quoi. Donc, Mais bon, ouais. Mis à part ça, pour ce qui est plus ou moins une démo technique, parce qu'il faut pas s'en cacher, hein, c'est pas vraiment c'est pas un jeu complet, il me semble. Hein. Mais non, pas encore. Bah voilà, c'est quand même impressionnant. Donc c'est magnifique. Donc ouais, c'est effectivement, j'ai bien vérifié mes trucs basés sur l'architecture d'un CPC+ avec un Z80 qui annonçait à quand même 4 MHz. Attention, ça rigole zéro. Désolé pour le troll. Voilà, c'était un joli hardware, mais l'exploitation. J'essaie de voir en fait sur Master System à combien elle était cadencée, mais j'ai pas l'info. Enfin bref, à mon avis, un peu moins. C'est pas bien grave. Et donc, l'autre Sonic dont on va parler, rapidement, c'est une version, une réimagination du. Je ne sais pas si ce mot existe, une réimagination, c'est parfait, du fameux Sonic Triple Trouble. Alors, Sonic Triple Trouble, c'est quoi ? C'est un jeu exclusif à la Game Gear, qui est en fait la suite directe de Sonic Chaos. Coucou maman et Chachamax. Pourquoi est-ce que c'est la suite directe de Sonic Chaos ? Tout simplement parce que Sonic Chaos au Japon s'appelle Sonic and Tails, et Sonic Triple Trouble au Japon s'appelle Sonic and Tails 2. incroyable. C'est fou. Et donc, c'est un jeu donc, basé sur des Sonic 8-bit. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce que ça pourrait donner si on le faisait en façon, entre guillemets, 16-bit. Là, le premier niveau est jouable gratuitement entièrement. C'est un projet qui arrive au bout. Et c'est un vrai fan game complet qui va arriver. Et c'est très, très encourageant, ce que j'ai vu. C'est vraiment très joli et bien fait, bien foutu, avec de nouveaux éléments graphiques, de nouvelles mécaniques de gameplay, bref. Moi, j'ai regardé ça, je trouve ça très bien. Je sais pas si vous avez pris le temps de regarder, de zioter la vidéo. C'est vachement cool. J'ai regardé le début, ouais. J'ai pas joué, par contre. Moi non plus. Mais non, mais c'est bien. Voilà. Bref. Du nouveau Sonic, c'est fabuleux, ça. Ouais, après, moi, je suis pas fan de Sonic, donc effectivement, ça me parle moins que d'autres gens, mais c'est pas mal. Bon, on va passer au domaine de Moa et Monsieur Chou. On va parler des câbles, maintenant. Ah, les câbles. Oui. Les câbles. Donc, RetroTink. Qu'est-ce que c'est donc, RetroTink? Et qu'est-ce qu'ils annoncent? Le RetroTink 2X RetroScaler, mais qu'est-ce que c'est donc? Expliquez-moi. Ah, je peux pas t'en parler, moi je connais pas ces choses-là. Moi honnêtement, je préfère laisser moi en parler parce que moi sur le coup j'avais pas compris comme ça. Moi je connaissais pas moi. Bah, c'est surtout que. C'est pas ça la news. Ah, c'est quoi la news alors? Parce que, oui, non, mais c'est là, ça, parce que le RetroTink 2X, ça fait à peu près 2 ans que c'est sorti. Voilà, oui. D'accord, mais alors qu'est-ce que c'est encore la news? La news, c'est. Le RGB. La news que moi j'ai mis sur le sur notre petit truc de news, c'est que c'est par rapport à Kaiko qui sort en fait un scanner qui sort scaler, un, en fait, Kaiko c'est Kaiko la même Labs chose que le RetroTink en fait c'est non c'est chose. Pas ça c'est pas ça Kaiko Labs non. Est une entreprise qui a sorti un OSSC et qui l'a vendu sur Amazon jusque, est-ce que c'était cher jusque là pas trop de problèmes parce que OSSC c'est open source scan converter donc open source, les sources sont distribuées, tu fais ce que tu veux. Ils ont complètement pompé la doc de Video Game Perfection, enfin ceux qui l'ont sorti à la base, ils ont complètement pompé la description, ils ont tout pompé en fait. Probablement aussi des trucs qu'ils n'avaient pas le droit de pomper, ils ont pompé et ils ont vendu ça sur Amazon au prix à peu près d'un OSSC. Donc ça veut dire que tu as une contrefaçon chinoise au prix fort. Bon, il y a des gens qui l'ont acheté, hein, coucou Lousse. oh, que, c'est pas bien. Sauf, pas que, bien, sauf, que, le truc, sauf que le truc, c'est que ils se sont sentis pousser des ailes et ils se sont mis à sortir d'autres produits, dont notamment des produits de RetroTink. Donc Maichi, hein, sa société s'appelle RetroTink, voilà. Qui là sont pas open source, sont pas publics, enfin ou quoi que ce soit. Ils ont pompé entièrement presque le nom, ils ont pompé tous les composants, ils ont tout pompé en gros. Ils ont pompé bien sûr le site web aussi, hein, c'est exactement la même chose. Il y a même une faute d'orthographe dans le site web, elle est telle qu'elle d'origine, pas de problème. Hein. Ah oui, c'est beau. Et donc voilà, et c'est tout. Donc juste pour dire, bah, achetez pas du Kaiko Labs, sachant que ça coûte pas moins cher, que c'est de la contrefaçon, et que du coup, là, il y a carrément du vol de propriété intellectuelle. Donc voilà. Ça me fait penser à une autre boîte qui fait pareil pour vendre un stick. Oula, bon, moi je dirais rien. Mais je dis ça juste comme ça, on peut passer. Merci. Ça commence par cap, ça finit par com, c'est ça, non, non. Non. Vous pourrez noter évidemment que je n'ai pas lu la news. Vous aurez entièrement raison, c'est vrai. Un coup de pas. Et voilà. Et sinon, alors sinon, voilà, donc, sinon après, on n'a peut-être pas parlé. À ta décharge, moi là-bas, j'avais rien compris non plus. Bah c'est plutôt j'avais que j'avais fait une blague, je sais plus ce que j'avais dit en fait. Donc, on est quand même dans la oui, comme tu dis, dans la contrefaçon vendue au prix fort d'un produit de niche. Bah oui. Oui. Mmh. OK, oui, c'est pas mal. Mais hein. La différence, et par contre, ça c'est peut-être un petit appel aussi aux gens qui font des projets comme ça qui intéressent plein de monde en fait. Bah la différence c'est Kaiko, ils vendent sur Amazon. C'est pas la croix et la bannière pour acheter vos putains oui, de produits sûr. En oui. fait, c'est ça la nuance. Parce que quand tu veux acheter un truc qui vient des États-Unis et que tu sais pas trop s'il va arriver parce que tu l'envoies par bateau ou par avion, c'est toujours compliqué, que tu vas te manger 20% de taxes douanières et tout. Enfin voilà, je comprends que les gens ils achètent ce genre de produits. Hein. Moi je critique pas les gens qui achètent les produits. Par contre je critique la boîte qui les fabrique. Voilà. Non, après il faut que les gens soient au courant effectivement et t'as raison de le dire. Il faut que les gens soient au courant. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais au moins que les gens sachent ce qu'ils achètent. Voilà, c'est ça. Et sinon, oui, le RetroTink 2X, c'est un produit, c'est merveilleux. Hein. Vous branchez une source en composite dedans et il vous sort de l'HDMI en 480p sans aucun lag, sans rien. Voilà, c'est excellent. Okay. Si vous avez des sources composites ou S-Video ou YUV, mais pas RGB. Merci, okay. Professeur Moa. Bon, on va passer avec un easter egg totalement improbable. Deux easter eggs. Ça, c'est pas mal. En fait, l'article n'est pas complet. Mais je ne leur en veux pas, parce que moi, j'ai suivi le truc depuis 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. En fait, tout a commencé avec YouTube qui me propose cette vidéo. Donc, je mets le lien dans le chat. Vas-y. Qui s'appelle le 35-year-old Commodore 64 easter egg. Donc, en fait, qui était caché dans un vinyle. Ça, c'est fabuleux. Donc, alors, sur le coup, je me suis dit, ouais, mais c'était une chaîne à laquelle j'étais déjà abonné. Donc, je dis, bon, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai un vieux compte tout pourri avec lequel, en fait, j'ai 200 milliards d'abonnements. Donc, je dis, bon, allez, on va regarder. Et en fait, en regardant, bon, la vidéo peut paraître un peu austère, mais en fait, ça m'a pas mal captivé. En fait, tout a commencé avec un petit easter egg de 3 lignes de code qui était, tout simplement caché à la fin du vinyle, après la zone, en fait, comment on appelle ça déjà ? La zone morte, voilà, du vinyle. Dans la cire, en fait, du vinyle à l'intérieur, voilà. Donc, c'était 3 lignes de code, voilà, rien de bien méchant. Mais en fait, ce groupe, je crois que ça s'appelle Electric Eye, on fait apparemment un autre album, si ma mémoire est bonne, ou alors c'est fait par le même producteur. Enfin, bref. Donc, après, il y a eu une autre vidéo qui est celle-ci. Et là, c'est carrément un jeu, un petit jeu, qui était planqué, en fait, dans le. Toujours de la même façon, en fait, dans la zone morte d'un vinyle. Mm-hmm. Mais là, ce coup-ci, en fait, on a un jeu textuel, je crois. C'est pas un jeu textuel. À la fin, il montre, en fait, le truc. Voilà, on a un petit jeu, bon, pas spécialement de qualité. Mais en fait, je trouve ça fou. Et la seule mention qu'il y avait sur ces disques, qui avait potentiellement un truc caché à la fin, c'est qu'à l'intérieur, en fait, dans la zone morte du vinyle, parfois, il y a des trucs de gravé, en fait, dedans. Et là, c'était gravé C64. D'accord. Mais l'article en question s'appelait Prodigal. Voilà. Donc l'article, en fait, dont je vais mettre le lien, en parler, mais de toute façon, moi, j'avais déjà l'info, et voilà. Donc, j'allais de toute façon en parler, mais de ce fait, au moins, vous aurez un peu de doc en français sur le sujet, pour ceux qui ne lisent pas la langue de David Beckham. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, ce genre d'easter egg, dans les années 80, était assez courant, où on trouvait... L'article cite des exemples de groupes au Royaume-Uni qui cachaient des jeux Sinclair, des programmes Sinclair dans les cassettes. Voire même l'inverse. Il existe une cassette. Alors, je ne me souviens plus exactement le nom. Ah, je crois que je l'ai dans ma collègue en plus. En fait, c'est une compile de jeux où il y a plein de jeux un peu pourris d'ailleurs, et qui s'étaient vendus à but caritatif. Et à la fin, en fait, de la compile, tu as une chanson. Donc là, en fait, c'est quelque part la boucle est bouclée, c'est l'inverse. Tu as du programme informatique et à la fin, une chanson sur la cassette. J'essaie de me souvenir en fait, du nom de la compile, mais de toute façon hybride, moi qui pensais que les hybrides, c'était que les disques Saturn avec la piste 2 qui te disaient de ne pas mettre la piste 1 dans ton lecteur. Ouais, ou alors, c'était pareil aussi avec les jeux sur Amiga CD32. D'accord. Je précise que la piste 2 qui te dit ça, une fois que tu as déjà écouté la, bien sûr. Donc voilà. Ok, parfait. Merci bien. Un petit mot rapide sur notre nouveau ancien matériel. On commence à voir popper à gauche et à droite sur le web des tests donc, du fameux joystick Neo Geo qui arrive, l'Arcade Stick Pro. Apparemment, c'est assez... Alors, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans, hein, comme bouton et stick, tout ça, il n'y a pas de souci. Le matériel a l'air de qualité, relativement lourd, bien fichu, tout ça. Ils ont considérablement amélioré la qualité de la sortie vidéo, qui est un des gros reproches de la Neo Geo Mini. Il y a une porte d'extension, on ne sait pas encore à quoi il sert. Et lorsque vous utilisez la manette via une Neo Geo Mini pour jouer avec, vous utilisez la sortie apparemment de la manette, ce qui fait que les jeux et l'interface seront... Il va juste chercher les ROM dans votre Neo Geo Mini. Voilà. D'accord. Vous bénéficiez du meilleur affichage et tout ce genre de choses. À part ça, pas grand-chose à dire. C'est toujours, c'est pas encore arrivé. Ça a toujours attendu dans les 150 euros chez nous. Oh, ça n'est quand même. En face, on a toujours le concurrent Capcom, donc il vient de sortir son double panel absolument hideux avec ses 16 jeux à l'intérieur, dont on a découvert donc que, outre le fait que c'est le seul qui sort actuellement du 1080p, il y a également un port extension qui a fait son apparition. Est-ce que d'autres jeux sont en prévision? Est-ce qu'ils vont nous vendre d'autres jeux à part? Est-ce que... On ne sait pas pour l'instant. Mais potentiellement, peut-être que si on commence à parler de plus de 16 jeux, oui, les 220 euros qui coûtent pourraient être justifiés. Allez savoir. Non? Bon, c'est pas. Pour moi, non, mais après, c'est... Après, c'est pas... Il y a un truc bah, si c'est un vrai stick... Voilà. Et puis, esthétiquement, je le trouve vraiment pas beau, quand même. Bon, ça, c'est... Oui, il est dégueulasse, mais... Il est vraiment laid. Bon, après, les goûts, les couleurs, ça discute pas, comme on dit. Mais là, je suis un peu... Oui, d'accord. Non, mais après, moi, je parle pour moi. Hein. Je dis pas aux gens, achetez pas. Mais là, moi, 220... Pour le coup, je suis un peu d'accord. Je trouve pas ça joli. C'est... Il est pas beau. Je l'ai trouvé quand je l'ai supposé un peu léger. C'est-à-dire qu'en gros, mon Ori Rap Pro N est presque aussi lourd que le double panel. Donc, moi, j'aurais laissé un poil plus, le truc. Mais bon, après, ça, c'est du... Ça reste... Ça va pas trop bouger, vous en faites pas. Voilà, bref. Oui, 16 jeux. Le problème, c'est ça. C'est 16 jeux. Ça fait un peu ratagasse, comme on dit. Je sais pas si on dit ça chez, par chez vous. Non, non, non. D'accord, très bien. Donc, c'est en mode sud-ouest. Désolé, moi, ça fait un peu pingre. J'ai utilisé un mot d'ici. Que, et... même moi, que même moi, je connais pas. D'accord. Parfait. Je ne le ferai plus. Que tout notre public puisse nous suivre et que les Belges puissent comprendre, je ne recommencerai plus. Bah oui. Et ensuite, donc, moi, je voulais juste mentionner rapidement. Moi. Alors, je vais essayer de ne pas être trop négatif parce que voilà. Il y a quelques mois, nous avons acheté, moi de mon côté, un modèle USB, un modèle Saturn, et de l'autre côté, moi, un modèle Saturn. Des pads Retrobit en version filaire. Les miens avaient les croix de direction qui n'étaient pas attachées, ils ont été remplacés gratuitement. Celle de Moa, au bout de 20 heures de jeu, a une direction qui a cassé, elle a également été changée gratuitement. Par Amazon. Par Amazon. Moi, c'est pas Retrobit. Parce que Retrobit, j'attends encore leur retour. Hein. Voilà. On a eu des modèles en remplacement qui fonctionnent parfaitement. Je me suis dit, on n'a peut-être juste pas eu de chance, ou peut-être que sur ces modèles-là, ils se rodaient, tout ce genre de choses. Bref, ils ont sorti la semaine passée les mêmes pads Saturn et Mega Drive en version sans fil. Alors, il y a du Bluetooth et il y a du 2,4 GHz. J'ai pris le pad Saturn sans fil 2,4 GHz, bleu transparent, joli, tout ça. Je le reçois. Tout était parfait, sauf une chose. Quand on appuie sur le bouton C du pad légèrement en haut, le bouton reste enfoncé en sa position. Alors vous vous doutez que c'est pas génial pour jouer, hein ? Apparemment, je ne suis pas le seul à qui ça arrive, mais apparemment, il y a aussi surtout la plupart des modèles qui sont sans problème. Donc, je reçois mon pad de remplacement demain. J'aurai l'occasion d'en reparler dans un podcast tout à l'heure, pour savoir comment ça s'est terminé, si ça s'est bien terminé, tout ce genre de choses. Si vous voulez tenter le coup, donc c'est disponible pour 40 euros sur Amazon. Et donc, sont inclus pour ce tarif-là. Je vais rapidement. Pouf. Hop là. Mettre le lien. Même si, j'appellerai à la prudence en attendant de voir dont soit nouveau. Pouf. Pour ce tarif-là, vous avez donc le pad Saturn sans fil 2 GHz, un récepteur qui se branche sur votre Saturn pour jouer directement sur la Saturn, un récepteur USB qui va fonctionner sur Mega Drive Mini, PC, Mac et sur Switch. Et le pad est compatible Direct Input et Cross Input. La manie pour passer de l'un à l'autre est marquée dessus. Honnêtement, pour le prix, c'est cool, quoi, mais s'il y a encore une tuile, c'est chiant. Comme je dis, ce qui est dommage, c'est que c'est le seul problème que j'ai eu. C'est-à-dire, le pad est ultra responsive, c'est vraiment... cette technologie-là, c'est un délice. Il y a zéro lag, c'est super agréable, il n'y a pas un deep drop, rien du tout. Vous pouvez être à ils vendent ça pour 10 mètres. Vous pouvez vous mettre à 5, 6 mètres de la côte. Ça bouge pas. Le signal, il bouge pas. Voilà. Bref. Wait and see. En espérant que ça se résolve. News suivante. Monsieur Bozic, tu nous parles de Bubble. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Ah. Ah, mais pas du tout. Hein. Je suis tombé au pif. Je mets le lien dans le chat. Vas-y. C'est un jeu pour 4. Non, en plus, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai miséré à finir sur Game Boy. Mm-hmm. Et là, pouf, on apprend que le jeu y ressort dans une compile sur Switch. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que je ne sais pas, vous en aviez entendu parler, vous ? Non, pas du tout. Non, non. Voilà, donc, ils nous ressortent le Ninja. C'était, attends. Que je lise bien la news. Donc c'est Bubble Bubble for Friends en boîte, en téléchargement aussi pour 40 euros. Ah oui, non, mais je dis des bêtises, si, je l'avais lu. Ce qui fait quand même cher pour le jeu. Et d'après ce que je sais, on pourra aussi débloquer le jeu original. Voilà, ouais. Après, il y a une petite refonte légère, tu sais, pour le mettre au goût du jour. Je parle graphiquement, quoi, évidemment. Mais c'est le même jeu. Oui, non, mais c'est le même jeu. On parle de coop local, on parle pas de coop en ligne. Oui. De coop de multi, pardon. De coop béné multi, bien sûr. Ah, multi, ça aurait pu être rigolo, effectivement. Multi en ligne, ouais. Ah ouais. Après, effectivement, pour un jeu aussi vieux, 40 euros, même si on te met l'ancien dedans, je trouve ça bizarre comme move, en fait. Je trouve ça très très bizarre parce que je m'y attendais vraiment pas. Hein. Okay. Ça sort de nulle part. Il faut croire que, voilà, vu qu'ils avaient dit, ils se sortaient un Ninja Savior Free Return of the Warrior, il faut croire que ça se vend assez bien pour les encourager. Ouais, mais totalement. Mais ouais, c'est... Donc, si vous connaissez pas le jeu d'origine, vous pouvez toujours essayer de vous laisser tenter, même si j'estime qu'à 40 euros, c'est un peu trop cher pour le jeu que ça, même si c'est un très bon jeu, parce que ça reste un jeu d'un ancien temps. C'est dur, très très dur à jouer. C'est un excellent jeu, mais il accuse quand même le poids des années. Hein. J'avoue ne jamais y avoir touché. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je sais pas si maintenant j'aurai l'occasion de le refaire intégralement et de le refinir. Okay. C'est pas un jeu très long. Hein. Si tu connais. Oh, il va encore nous faire croire qu'il l'a fini. Arrête, Pelle, c'est bon. Alors là, pour le coup, moi. Non, je ne l'ai pas fait. Non, non, parce que tu as 100 niveaux, hein, et je te garantis que... Mais oui, mais c'est pas long. Non, mais c'est dur. Oui, oui. C'est dur. Et est-ce que les joueurs de maintenant, et je parle de tout type de joueurs, ne vont pas crever quand ils vont commencer à mourir en boucle? Parce que c'est un jeu old school, ça reste quand même un jeu sacrément old school, quoi. Mmh. Et 40 euros pour te faire fister en long, en large et en travers... Ça pique. C'est, ouais, ça pique un peu. Après, le jeu, ça reste quand même un jeu de légende, c'est un jeu exceptionnel. Mm-mm. Mais je suis quand même étonné qu'il le ressorte maintenant. Petite parenthèse rapide, hein. Monsieur Blum, tu nous évoques la souris 8-bit Do à l'effigie d'NS. C'est tout moche. Hein. Alors, oh ouais, elle est pas belle. Alors, que ce soit moche, peu importe, par contre, l'ergonomie. Mais c'est l'ergonomie, oui, oui. Voilà. Ouais. Ça aussi, ça sort de nulle part. Hein. Alors, un petit mot. J'ai retrouvé le nom de la compile sur ZX Spectrum, ça s'appelle Soft Aid, ça existe aussi sur Amstrad, je sais plus trop quoi. Et juste un truc, mais ça, personne va comprendre de quoi je parle, la série des Horace. C'est de la merde et que son auteur va bien crever dans son coin. Voilà. Non mais sans rire, le mec a lancé une série de copyright strike contre une personne, au point que cette personne a totalement supprimé ses comptes des réseaux sociaux, tellement le type l'a rendu fou. Donc voilà, je dis à ce type, si tu veux t'en prendre à un homme, viens, hein, pas de problème. On peut organiser ça. Oui. Octogone sans règle. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Je le reprends quand il veut. Un octogone en slip. Avec un doigt. Hein, tu vois. Petite breaking news, alors qu'il n'y a pas trop de rapport avec le rétro, mais ça me semble intéressant quand même. Ça vient de tomber. Ah, voilà. Hein. Vas-y, parce que j'étais dans le mulot, mais vas-y, s'il y a du show. Vas-y. Le projet xCloud, le projet de cloud de Microsoft. Donc c'est le Stadia de Microsoft, quoi, en gros. Et bah, il est là, il est actif là, tout de suite maintenant, là. Ils viennent de le lancer. D'accord. Avec 50 jeux. C'est une bêta, hein. C'est une bêta, 50 jeux, dont Gears 5 par exemple, Borderlands, ce genre de truc. Et compatible avec la DualShock 4, voilà, ça c'est assez marrant de le souligner. Et vous pouvez donc ouais, l'essayer dès maintenant. Voilà, parce qu'il y a une conférence Xbox là en ce moment, et oui, apparemment, voilà, donc apparemment c'est beaucoup plus accessible que Stadia qui est sorti officiellement. Voilà, j'ai dit ça. Voilà, parce que là je crois qu'il y a quelqu'un, sur Microsoft qui est allé voir, qui a dit on est prêt ou pas? Bon, quasiment, c'est-à-dire, ben, c'est-à-dire en face, ils sont en train de chier des ronds pour sortir des Stadia, ils arrivent même pas à fournir tout le monde, donc là c'est peut-être le moment de lancer. Ouais, c'est ça. Et de leur couper l'herbe sous le pied là. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, merci bien moi. Donc c'est pour l'instant c'est compatible sur sur mobile je crois, et ça arrivera sur PC. Enfin voilà. Ok. Donc pour en revenir rapidement aux souris, puisque c'est vrai, je vais passer, genre je vais rapidement le test pour rigoler, puisqu'on parle de rétro et des années 90. Il y a Microsoft qui ressort son fameuse IntelliMouse, une de ces souris que tout le monde absolument a eu dans les années 2000, on va dire. Voilà, oh cool. Mon dieu, oui, oui, oui, non mais je viens de comprendre. Pouah, la vache. Voilà, j'adorais cette souris. Ah, moi, j'en ai eu. Est-ce qu'elle est encore à boule ou pas? Non, non, elle est pas. Elle était pas à boule. L'ancienne IntelliMouse, c'était. Celle-là, non. Ah, je confonds avec IntelliMouse. C'est la première que j'ai eue, moi, justement. Je confonds avec une autre. Oui, bah, je l'ai pas eue, celle-là. J'ai pas eu. Mais par contre, tu confonds avec la souris ergonomique, moi, dont je me souviens plus le nom. Mais par contre, effectivement, j'avais plein de potes qui l'avaient. Parce qu'elle était, en vrai, elle était pas mal pour droitier, par contre, hein, si je me souviens bien, parce qu'il y avait une espèce de courbure. J'aimais beaucoup cette. Donc, c'est disponible pour une 50aine d'euros. Voilà. D'accord. On va terminer ce petit tour des news avec de l'Intellivision. Toujours debout. Une des rares consoles qui n'avait pas eu droit à son Prince of Persia, c'est ça? Oui. Ouais. Après, on a une autre petite news vite fait, mais c'est pas ça, c'est 20 secondes. Voilà. Bon. Donc ouais, le Prince of Persia. Qui a mis d'ailleurs ce truc, hein. C'est aussi. Non, ça doit être moi. Moi, je te laisse. Non, mais de toute façon, après, ils ont sorti un Castlevania sur un télévision, ils se sont dit que pourquoi pas sortir Prince of Persia, étant donné qu'il n'est sorti sur absolument aucun autre support. C'est un jeu que personne ne connaît. Oui, donc, c'est clair. Donc, ils ont réussi à faire un portage qui est assez propre, mine de rien. Ah, pour de l'intellivision, j'avoue. Pour de l'intellivision, c'est assez. Ouais. Assez invraisemblable. Donc, attends, c'est Matthew Kuhl qui avait fait le portage de Castlevania qui s'est occupé de ce portage aussi. D'accord. Et il avait fait aussi une démo technique de Mega Man 2 sur intellivision. Ce qui est totalement improbable. Une démo, on a 10 mois. Hein. Oui, la musique, ça doit être terrible. Honnêtement, ça passe. Vraiment. Vraiment. Ok, bon bah écoute, je vais regarder. Mais attends, on va mettre le lien dans le chat. Non mais je parle de la musique pour Mega Man 2. Hein. C'est bon. Ah, la musique pour Mega Man 2, elle est bien. Ok. Honnêtement, pour de l'intellivision, c'est bien. Le type, il a fait un travail de malade. Non, parce qu'il a fait aussi pour du FF, hein, il a apporté du Final Fantasy aussi, bien sûr. Un vrai amoureux de la console. Oui, mais totalement, hein, qui fait du montage. Donc si vous êtes curieux, cliquez sur le lien, regardez, c'est joli. Merci bien. Donc, j'ai rien à dire, en fait, c'est pas si dégueu la musique, en fait. Ah ouais, non, mais je l'ai dit, la musique, elle est cool, en fait. Hein. Okay. Comme quoi, hein. Dernière news surprise sur le coup. Pas surprise, mais en vrai, vite fait. On a parlé souvent des câbles RAD 2X. Il y a un énorme délai dans la production. On a reçu le mail il y a 3 semaines. Malheureusement, ces mails ont été envoyés en 3 exemplaires, ce qui fait que beaucoup de filtres anti-spam les ont bloqués. Ils s'en sont excusés dans un mail reçu il y a une semaine. Qu'ils avaient envoyé en 5 exemplaires, celui-là. Ah, non, ce coup-ci, ils l'ont envoyé qu'une fois, ils n'ont pas été cons. Qu'ils expliquent en fait dans le mail de la semaine passée en fait qu'ils ont dû changer en fait de fabricant pour les PCB, qu'il y a 4 semaines de délai pour recevoir les PCB. Ça ne veut pas dire qu'ils vont envoyer les câbles dans 4 semaines, et ça ne veut pas dire que dans 4 semaines il y aura plus de soucis. Donc affaire à suivre. Il y a du délai. Par contre, est-ce qu'on va avoir ces câbles? La réponse est oui. Quand on va les avoir? Moi, je pense que ça va être plus proche de janvier que de Noël, malheureusement. Donc voilà, c'était mon... Bah, tant qu'on y est, Krix est en train de bosser, je l'avais déjà dit, sur son Everdrive Mega Drive qui prendrait en compte le Mega CD aussi. Ouais. Et il estime qu'il sera prêt d'ici mi-2020. Voilà. D'accord. Ok. Et Krix est aussi en train de travailler sur le nouveau successeur de son Linker Super NES. NES, oui, c'est ça. Ouais. Il a reçu le PCB, là, si j'ai bien compris. Le PCB qu'il avait designé. Donc, je crois que. Ouais, ça, c'est pour bientôt, ça, je crois. Ok. Bon, parfait. Donc, sur le coup, sans transition. Le sujet. C'est l'heure du Monsieur. Ah. Non, c'est un misclic. T'inquiète pas. C'est pas une blague. Le pire, c'est que je voulais faire la blague, mais non, en fait. Non. En fait, je voulais écrire un message dans le podcast pour dire que je reviens dans 2 minutes, j'ai un truc à faire en urgence. Et en fait, voilà, j'ai cliqué ailleurs. Désolé. C'est pas grave. Kojima. Donc, monsieur Hideo Kojima, né le 24 août 1963. On se lui fait 56 ans. Donc, non, effectivement, c'est plus trop un adolescent. À Tokyo. Non, mais dans sa tête, il le Attendez, reste. 56 ans, par rapport à Appel, ça fait combien? La moitié. Donc, le plus jeune d'une lignée de 3 enfants, qui. Je pense qu'on peut noter dans sa jeunesse comme élément relativement marquant qu'il a perdu son père, il avait 13 ans. Ah, je suis d'accord. Voilà. Est-ce que ça va avoir une influence? Je pense que oui, évidemment. Donc après, sur le coup, sa mère devant se souvenir aux voisins de la famille, il a été un enfant relativement seul et laissé chez lui, responsable, entre guillemets, de sa vie. Et donc, il a intégré très tôt, à l'âge de 23 ans, en 1986, la petite société du jeu vidéo qui monte, qui s'appelle Konami. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, en fait, non, qu'est-ce que c'est du début, quoi. Il est rentré chez Konami à l'heure où, justement, le MSX avait le vent dans le dos, en tout cas dans certaines régions, en particulier certains pays d'Europe, au Japon. Donc, qu'est-ce que c'est le MSX? Pour rappeler rapidement, parce qu'on va en parler là un petit peu quand même. L'idée du MSX, c'est que c'est un standard basé sur un Zilog Z80, donc un ordinateur à 8 bits. Et l'idée, c'est que chaque constructeur avait le droit de faire son propre design d'ordinateur à partir du moment où il respectait les normes, entre guillemets, imposées par le standard. Le MSX va connaître 4 variantes, le MSX, le MSX2, le MSX2+, et le MSX Turbo R. Autant dire qu'en Europe, les MSX, c'est déjà pas... c'est courant, enfin, on arrive à en trouver, ça va. Bah, c'est surtout que ça a été distribué en France, et c'est ça aussi le truc qui est totalement invraisemblable. On a eu une véritable distribution du MSX en France. Après, le MSX2, ça va être beaucoup plus tendu. Et le MSX Turbo R, lui, n'est sorti qu'au Japon, comme ça au moins, ça règle la question. Mais moi, personnellement, des MSX 2 en Europe, j'en ai pas vu des masses. Je sais pas, Chouz, toi, si t'as eu l'occasion d'en croiser souvent. Ah, je crois qu'il avait dit qu'il devait partir quelque chose. Ok, d'accord. Alors, je lui redemanderai après. Et donc, sur le coup, donc, monsieur Hideo Kojima est embauché et se retrouve assistant designer sur un jeu qui s'appelle Penguin Adventure. Avec un pingouin célèbre. Voilà. Qu'est-ce que c'est-il donc que Penguin Adventure? Ah ah. Oui, ou alors, je suis bilingue. Hein. Ah oui, mais carrément. Non, c'est faux. Tu es bilingue. Voilà, tu es bilingue. Non, mais Penguin Adventure, c'est la suite d'Antarctic Adventure. Exactement. En 84. Mais alors, c'est un jeu de course, en fait. Ce sont deux jeux que j'aime bien, moi, personnellement. C'est des jeux... Des jeux de course, non. C'est plutôt un plateforme... scrolling, en fait, quoi. Adresse et voilà, course contre... Ils disent adresse et course contre la montre. Ouais, si t'en crois les wikis. Ouais, c'est un peu tout ça. Qu'est-ce qui pourrait se rapprocher quand on connaît bien Pepsi Man? Ah, ouais, les runners. Speedman, ouais, effectivement. Ouais. C'est, pour moi, c'est un runner. Pour moi, c'est il y avait Kid Klarn, ouais. Une Crazy Chase sur Super Nintendo qui se rapprochait aussi un peu d'idée. Mais c'est ça, mais c'est des runners. C'était en vue 3D isométrique dessus. Oui, mais ça. Mais c'est le principe. Mais c'est la même idée, t'as raison. C'est le principe. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle maintenant les runners, comme Mario, comme les jeux qu'on a maintenant sur téléphone. Oui, t'as raison. Et c'est vraiment deux bons petits jeux d'ailleurs. Mmh, c'est très bien. Par contre, je confonds toujours Penguin Adventure et Antarctique. Donc... Mais donc, ce personnage-là restera longtemps chez Konami. En oh, bah, on va le retrouver dans tous les parodies. C'est... Ouais, ah, oui, bon, bah, totalement. C'est clair. Donc, ce Penguin d'ailleurs qui s'appelle Pentaro. Penta. Aucun lien, fils unique. Pentaro. Tiens donc. Oui, Karamazov, les frères. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc il va faire ses armes. En fait, voilà. Apparemment, il était que c'était quoi, directeur assistant. Hein, c'est dans les Penguin Adventures, c'est Penta qu'on retrouve et Pentaru, on le retrouve dans Parodius et c'est le fils de Penta. Voilà. Pour faire vraiment la... putain, il y a un lore. Et c'était la mascotte MSX. Hein. C'était considéré comme la mascotte. D'accord. Et si vous voulez en trouver d'ailleurs une, soit en passant, encore une autre parenthèse, une compil MSX qui est complète et pas extrêmement onéreuse, et c'est sorti au Japon sur PlayStation et Saturn, qui s'appelle Konami Antique MSX Collection, qui contient beaucoup de jeux MSX, et sur le coup, ça peut valoir de coups. Je crois que c'est pas un jeu qui doit coter, une somme absolument folle. Voilà. Et donc. Après avoir fait ses preuves sur ce jeu-là, un truc assez fou à l'époque, on lui confie carrément la direction d'un jeu. Parce qu'on était dans un autre temps. C'est ce que j'appelle la théorie Steve Jobs quand il était chez Atari. En fait, c'est le mec, je pense qu'il faisait tellement chier tout le monde et il puait tellement que l'on dit tiens, vas-y, fais ton truc dans ton coin, moi tu ne casseras pas les pieds, non ? C'est pas un peu ça, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on lui confie, alors littéralement, on lui confie les clés de la bagnole, hein, c'est-à-dire pour son jeu suivant, l'année suivante, il sera director, writer et designer. Donc, il écrit le jeu, le design, il le dirige. Ah bah, il l'a bien. Une tradition qu'il a depuis perpétuée à travers les âges. Mais en plus, c'est pas ça, c'est que ce jeu-là existait déjà. Et quand on lui a demandé, il a regardé le truc, il a fait « Non, c'est nul, je vais tout refaire. » D'accord, voilà. Et il a tout refait. Mais c'est quoi le jeu ? Et le jeu s'appelle Metal Gear. Metal Gear ? Étonnant, non ? D'accord. Alors attention, hein, à ne pas confondre les différentes versions. Alors c'est là que ça ouais, ça on va en parler, oui. Il y a le bon... Et il y a le... Oh putain, qu'est-ce que c'est nul. Voilà. Bah, c'est ah, il y a le bon et celui qui a été renié. Ah, ou alors, le bon jeu et la version NES, pour être tout à fait clair. C'est ça. Il y a des gens qui aiment bien la version NES, mais quelque part, si t'as jamais joué à la version MSX... Non, mais en même temps, c'est normal, à l'époque, personne n'avait joué à la version MSX. Oh à l'époque de la NES, tu sais, les joueurs de notre âge, parce que, comment le dire, quand même un certain âge, le MSX... ça courait pas les rues. Ah, détrompe-toi. En fait, c'est une machine qui, en France, a toujours eu sa petite communauté. Oui, je sais, on en a parlé, t'étais pas là. Ah. Okay. Oui. D'accord. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, le truc, c'est que autant le MSX, effectivement, on en trouve facilement en France et en Europe, autant le MSX2, c'est déjà un petit peu plus compliqué. C'est pas ultra courant, non ? Oui, effectivement. Enfin, et donc, Metal Gear est sorti sur MSX2. Justement, donc limitant d'autant la portée du jeu. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous l'ont connu sur NES. Qu'est-ce que c'est-il que Metal Gear ? C'est un jeu d'infiltration, d'action-aventure, avec un ton qui est relativement premier degré, quand même. Ah ben ça se discute, hein. Mais bon, oui. Blagues, mais le premier sur MSX, oui. Oui, on est d'accord. Oui, sur PS1, c'est autre chose. Oui, oui. Non, mais là, sur MSX, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Avec une forte influence cinématographique. Déjà. Ah, avec des personnages, enfin, il y a Sean Connery dans le jeu, il y a... Mais il s'en est jamais caché, non, il voulait être réalisateur. Il voulait être réalisateur de films, c'est juste que c'était trop difficile pour lui, et qu'il s'est dit, le jeu vidéo, c'est plus simple. Il avait raison. Hein. Je me fais moi-même une parenthèse, la compile MSX pétée sur Saturn, qui est blended jeu, que j'ai dit que c'était pas cher, oubliez. On n'est pas loin de la centaine d'euros avec les frais d'import et les frais de port. Lalalala. Voilà. c'est tout, voilà. Ah ouais, quand même. Pour changer. Après, l'une des bonnes façons aussi de découvrir... Ah non, non, j'allais dire une connerie. Je vois en fait que c'était sorti sur le Virtual Console de la Wii, mais c'est que la version Jap. Non, mais après, ils ont mis des remakes de ces ils ont mis les versions des jeux dans les différents jeux MGS. Il n'est pas dans MGS 3 ? Alors, si. Metal Gear est présent dans Metal Gear Solid, le premier Metal Gear. Les deux premiers Metal Gear sont présents dans Metal Gear Solid 3 Subsistance, ce PS2. Ouais. Donc, la version qui rend Metal Gear Solid 3 presque intéressant. On en parlera après. Je m'assois sur ton visage et quelque chose de pas cordial. Bah, voilà. Bah moi je te mute hein. Alors après attention hein, si je te banne Beyond This Life boîte postale de numéro 2 voilà. je vous dirai pas non, le reste de l'adresse je vous laisse chercher sur internet c'est public et donc pour rendre muet sur le serveur non, hop. Alors par contre voilà, le premier Metal Gear alors déjà ce qui est bien c'est que il pose ben c'est un peu un des principes de l'époque du jeu vidéo, il pose les bases qui fait que des gens qui comme moi ont découvert Metal Gear via l'épisode 3D sur PS1, Metal Gear Solid, ouais. Quand ils jouent au premier Metal Gear sur MSX, ils se disent un peu comme toujours se disent, mais mince, tout était déjà là. Ouais. Mais en fait le 1 c'est juste une retranscription pure jus avec la scénarisation plus développée et la 3D pur jus. Il s'est juste servi de la puissance, en fait. Mais c'est le même jeu. Enfin, mais en mieux. C'est le même concept. Après, la 3D change pas mal de gameplay, quand même. Bah, en fait, mais pas particulièrement, parce que, mis à part le fait de te coller au mur, ça reste quand même une vue de dessus. Et de te planquer dans des cartons. Voilà, voilà c'est un malin. Après, je dis pas que c'est mal. Moi, MGS1, j'ai un amour pour lui. C'est inexplicable. Ah, c'est pareil pour moi. Hein. Par contre, moi, j'avais découvert la série sur NES. Et quand c'était sorti MGS1, j'avais un peu peur quand même. Voilà, le problème de Metal Gear, c'est ça. C'est que le jeu MSX était entièrement chapeauté par Kojima. Et sur le coup, a connu une version de qualité. Un jeu qui, bon, fait un peu rude aujourd'hui et va vous demander de comprendre les rouages et les fonctionnements parce que le jeu... On va redire encore, il n'est pas gentil. Voilà, pas du souvent. Il n'est pas gentil. Le truc, c'est que rapidement, le jeu, voyant le succès du jeu, Konami va décider de l'adapter sur NES. Alors, mais sans en avertir... Selon la légende, le code source de la version MSX2 aurait été donné à un studio qui appartenait à Konami sans le consentement en fait, de l'équipe originale. Mais c'est vrai, hein, parce que je crois qu'il en avait parlé, Kojima. On lui a jamais rien dit. Hein. Ça a été fait sans qu'il ait été... Moi, c'est ce que j'avais entendu il y a quelques années. Donc... On ne l'a pas averti, ils ont fait le truc dans leur coin et tout, et c'est pour ça qu'il n'aime pas le jeu. Parce qu'il n'a toujours pas compris pourquoi on avait censuré le Metal Gear. qui porte le... Voilà, c'est le nom du jeu, quoi. et aussi, donc, la version NES a des gros, gros problèmes de gameplay. Carrément de faisabilité de jeu. Ah, bon. Surtout que quand tu vois des trous, que tu avances, le trou n'est pas là, mais tu tombes quand même dedans. Alors, mon préféré, c'est pas celui-là. Préféré, c'est tu prends les lunettes, là, les binoculars. Il n'y a plus d'ennemis autour de toi, tu as tué tout le monde. Tu prends les lunettes, tu regardes 2-3 écrans après, tu dis, bon, c'est bon, c'est par là où je dois aller. Tu retires les lunettes, les ennemis repop. Ça, c'est mon préféré, tu vois. Ça, moi, ça m'a traumatisé à l'époque. Hein. Je t'assure, non, hein, quand t'as 8 ans et que tu tentes déjà de jouer au jeu avec un guide que t'as chopé dans je sais plus quel magazine, tu dis ah bah peut-être ça va m'aider parce que le jeu, voilà, je l'ai eu avec la console, ça fait partie des jeux que j'ai eu et puis bah ça peut être cool. Ah, quand tu découvres ça, tu dis bah en fait là le jeu se fout de ma gueule. Ah non, mais c'est fabuleux comme ils ont chié sur le jeu quoi. Ah oui, non, mais totalement. Maintenant, je comprends toujours pas comment c'est possible de partir d'une base. Et d'arriver de tout casser. Arriver, tout casser et se dire ça va être bien. Bah non, malheureusement, c'est pas bien. Et Kojima a désavoué le jeu. Voilà, le jeu est sorti même pas sous le nom Konami directement chez nous. Palcom. Sorti sous la marque. C'était Ultra. D'ailleurs, d'abord aux États-Unis, c'est Ultra Game, qui était donc le principe à l'époque. On se souvient, dans Nintendo, limiter le nombre de jeux par éditeur afin de pouvoir apposer son sceau de qualité. Et expliquons-nous, nous faisons des jeux de qualité, nous sortons en nombre contrôlé pour éviter le fiasco de l'Atari 2600. Hein, parce que c'était le début, hein. Mais les sociétés se sont dit, bah, très bien, vous voulez limiter le nombre de jeux, donc nous, on va multiplier le nombre de sociétés. Donc, Konami a créé Ultra, a créé Palcom, et Palcom, a sorti Donc, Palcom, on se souvient, surtout moi, je me souviens surtout Ninja. De Tortue Ninja et de Cybernator, la boîte de Cybernator avec le logo Palcom. C'est vrai. Voilà. Et Dracula's Curse aussi, Castlevania 3, est sorti sous le logo Palcom chez nous. Alors, par contre, ou encore Bucky Gear aussi, dans la série de jeux pas chers sur NES. Oui, magnifique petit rôle d'ailleurs. Donc, à noter qu'il existe des portages de la version NES sur DOS et Commodore 64 pour une raison que j'ignore. C'est pas des versions auxquelles j'ai eu l'occasion de jouer, mais je sais que ça existe. Mmh. D'accord, j'avoue, jamais touché à ça. Et donc, mon avis, c'est comme la drogue, n'y touchez pas. La question, alors est-ce qu'on on continue par ordre chronologique ou pas? Parce que sur le coup, on va devoir dévier de la série Metal Gear si on continue par ordre chronologique. Bah, c'est comme tu veux, il y a tellement de choses à dire en même temps, c'est comme tu veux, on peut parler. On peut dévier. Alors, je voulais juste terminer sur les Metal Gear 2D parce qu'on est dedans. Voilà. Pour dire que à partir du 2, ça se gâte. Puisqu'il existe deux Metal Gear 2, c'est ça qui est bien. Ouais, ouais. Le fameux Solid Snake, qui est le vrai Metal Gear 2 sorti sur MSX2 en 1990, et un Snake's Revenge sur NES, qui est quoi exactement? Nul. Non. J'en remercie. Ouais, non, mais en même temps, t'as raison. Bah, moi, je l'ai le jeu. J'ai dû jouer aussi. Un truc comme une demi-heure. Une demi-heure, c'est bien quand même. Ah bah écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est ça le pire. Mais... c'est déjà pas mal, une demi-heure. Bah en fait, j'ai trouvé ça tellement pas bon que j'ai un peu zappé. Mais c'est pareil, c'est encore un jeu qui est sorti sans l'accord de Kojima, un truc comme ça. Ah oui, mais comme d'hab. Hein. Ouais. Donc voilà, on fait le même coup, ça marche. Ne fait absolument pas partie de l'équipe. Ouais. C'est un jeu considéré hors de la série. C'est un jeu qui est beaucoup plus orienté action, de toute façon. Et qui a, alors l'infiltration, voilà. C'est un jeu qui est nettement plus orienté rentre dedans. Run and gun, non, je crois. Mais on est loin de du côté infiltration de Metal Gear Solid 2. De Metal Gear 2 Solid Snake. Après, si on parle des épisodes en 2D, il faut mentionner celui de la Game Boy Color. Mmh. C'est quoi ça? Je connais pas. Ghost Babel, qui est une tuerie. Jamais joué. Mais par contre, qui n'a pas du tout été fait par Kojima non plus. Il était juste producteur. Voilà. C'est ça. Mais ça reste quand même un jeu sensationnel pour une Game Boy Color. Ah oui, effectivement. C'est un jeu que j'ai adoré. Et par contre, il n'est pas gratuit non plus. Hein. Et voilà, alors ça c'est l'autre problème avec Ghost Babel, c'est que j'ai pas eu de nouvelles. Ça va piquer, ouais. C'est... Voilà. Je ne sais pas trop où il en est aujourd'hui. Mais est-ce que quelqu'un ici a joué à Metal Gear 2? Non. Metal Gear 2, la version MSX, parles. Sur MSX, oui. Qu'on retrouve aussi donc dans Metal Gear Solid 3 Subsistance. Il y a super longtemps. Par contre, je me souviens plus si j'ai joué en ému ou dans Subsistance. Je ne saurais plus à dire. Ah ouais, c'est quand même du 75 balles en boîte. Ghost Babel, ouais. Oui, non, mais Ghost Babel, il est cher et c'est un jeu dur. Mais c'est un très très bon jeu. Ça reste un. Pour une Game Boy Color, ça reste un truc très très quali. Il y a des. Graphiquement, ça reste correct. T'as quand même des cinématiques avec des artworks. Je me suis dit une chanson de Kali, mais je vais me taire. Ça suffit, monsieur. Je ne vous entends pas. Donc voilà, je voulais juste. Mais oui, je confirme pour la voir que c'est un jeu vraiment cool. C'est un très très bon. Et donc, on va faire une petite parenthèse Metal Gear entre guillemets par rapport à Hideo Kojima. Il va être à l'origine de deux jeux en surcours, on va en parler, enfin, pas comme si c'était un, mais on va parler des deux parce que c'est assez intéressant. Il va faire. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Des jeux d'aventure, des point and click? Ça reste non, des point and click avec du shoot. Graphique aventure, non? Un truc comme ouais, ça, c'est ce que c'est comme ça, non? Bah, je sais pas si c'est vraiment point and click quand il pense. Bon, bah, il y a des grosses composantes de point and click. Je sais pas. Moi, j'y ai rejoué aux deux qu'on va parler. Il y a des grosses parties point and click, mais il arrive à les coupler avec des phases de shoot. Ouais. Donc on parle bien sûr de aventure au sens large à la limite. Ouais. Mm. De Snatcher et Police Notes. Que j'aime d'amour. J'adore ces jeux. Vraiment. Ah. À ce point-là. Oui, bah oui, non, parce qu'après j'ai beaucoup d'affect pour Kojima parce qu'il m'a amené quelque chose dans le jeu vidéo que j'attendais depuis que je suis môme, la scénarisation. Allez. C'est ce que je voulais depuis toujours et lui, ben, il me l'a donné. Donc voilà, le premier Snatcher est sorti sur PC 88 et MSX2 au Japon. Évidemment, voilà, il y avait alors Snatcher, au cas où on en douterait, ça, c'est énormément d'influence cyberpunk. Énormément d'influence d'un petit film là, qui s'appelle avec des cyborgs, Harrison Ford, comment il s'appelle ? Blade Runner, voilà. Mais il s'en cache même pas. Oui, c'est pas un reproche. Ah ouais, hein. C'est vraiment, ah non, mais je suis d'accord. Ouais. Pour donner l'ambiance du jeu. Bah, ça et Akira, en fait. Voilà. Hein, Akira. Voilà. Et Terminator aussi. Il y a plein de petites références. Si vous avez vu certains films, si vous jouez à Snatcher maintenant, ça va vous frapper fortement. Vraiment. Après, donc, Snatcher, bon, aujourd'hui, il va accuser sa réalisation. Graphiquement, il a un peu vieilli. Ça reste un des premiers jeux de Kojima. Donc, on est dans. Enfin, voilà, c'est pas un jeu qui va être aussi léché graphiquement. Que, non, hein. Ça reste du pixel qui est quand même joli à regarder. Bon, non, c'est, je le trouve super beau. Il a ça pour lui, c'est que c'est du pixel, donc en termes de. Ouais, je trouve ça très beau, très esthétique. Moi, ça me rappelle Phantasy Star 4, tu vois, dans le design. Le second jeu dont on va parler a quand même une belle marche en plus de. Ouais, parce que c'était pas sur le même hardware aussi. C'est pas le même hardware. Snatcher, alors le problème de Snatcher aujourd'hui, si vous voulez vous y essayer, c'est un enfer. Voilà. Donc, le jeu est sorti, comme j'ai dit, sur PC 88, MSX2, sur PC Engine, CD-ROM, sur PlayStation et Saturn. Ouais. Toutes ces versions-là ne sont sorties qu'au Japon. Voilà. Hein ? Mais on a une version. Une version traduite officiellement en anglais, qui est la version Mega CD / Sega CD. Ah oui, mais c'est ce que je voulais dire. Tu n'avais pas mentionné Mega CD. Bon courage. Ne perdez tout espoir d'acheter le jeu original. Oui. Surtout qu'en plus, c'est une version censurée. Et en plus, donc, le jeu est légèrement censuré. Légèrement, c'est vrai, mais il faut savoir. Vous allez perdre un peu de boobs au passage. Bon, c'est pas la censure n'est pas dramatique, ça ne va pas changer le sens du jeu. Non, le problème majeur de la version Sega CD aujourd'hui, c'est que, étant la seule version traduite en anglais, elle est inaccessible financièrement. On parle de plusieurs centaines d'euros. Donc, si je peux vous le conseiller, il existe l'émulation. Allez-y. Voilà. Et quelle version émulée ? Il y a eu des patchs pour les versions entre guillemets non censurées ou pas ? Je sais pas. Je pense qu'il doit exister des patchs. Moi, je joue. J'ai la version Mega CD en fait. Sinon, je joue sur la version Mega CD. Vous achetez un Mega SD et puis vous pouvez jouer. C'est, évidemment. Voilà. Et puis ça vous coûtera moins cher que d'acheter le jeu. Puis vous pourrez jouer en plein d'autres jeux en plus. Voilà. Oui, genre Motocross Racer. Ouais. Alors... Oui. Snatcher, il y a quand même de petites anecdotes dont je ne peux pas passer à côté. Le jeu a connu un espèce de remake sous la forme de RPG sur MSX2 qui s'appelle SD Snatcher, oui. qui est assez rigolo. C'est un RPG, ouais, c'est pas mal. Et ensuite, qui est dont une fan trad existe, d'ailleurs, soit dit en passant. Mm-hmm. Voilà, qui est considérée comme une des premières fan trad existantes, puisqu'elle date de 1993. Ce qui est, wow. Ce qui est pas mal, hein. Et ensuite, l'autre anecdote, je voulais en parler, c'est que donc il y a effectivement des parties de tir dans Snatcher. Oui, bah oui. Et sauf que la version Sega CD a une particularité, c'est que vous pouvez jouer ces parties de tir avec le Justifier, le gun de Konami. L'espèce de truc bleu, tout pas c'était joli. C'était quoi ? C'était pour jouer à les Alan Forcers, ça ? Voilà, on jouait à Ethan Forcers, notamment avec au jeu Konami, il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc... on peut jouer toutes les parties shoot avec le Justifier. Alors, le Justifier aujourd'hui n'est pas spécialement donné non plus, mais bon, en même temps, oui, non, si, en vous... Même temps si, vous avez la... si vous avez l'argent pour acheter la version Mega CD, je pense que vous pouvez mettre un tout petit peu plus d'argent pour acheter. Je sais même pas s'il y en aurait un exemplaire à vendre sur eBay en ce moment. Je sais pas. Mais ouais. En parlant de Snatcher, vite fait, c'est l'un des premiers jeux où Kojima a décidé de jouer avec la personne, avec le joueur. Oui. A décidé de s'adresser directement à lui. On voit que le quatrième mur, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote où il fallait monter très très fort le son pour entendre un tout petit bip. Non. Pour trouver une bombe. C'est un truc tout bête. Hein. À un certain moment dans le jeu, on vous demande, il y a un bruit, on n'entend pas, monte le son. J'ai joué à Snatcher, ça fait vraiment longtemps. Tu montes le son à fond pour entendre le petit bip. T'entends le petit bip, tu te déplaces et au bout d'un moment, ça pète. Le problème, c'est que t'as mis le son à fond. Alors tu sursautes. Merci. Merci Kojima. Ça, c'est l'un des premiers trucs. C'est un truc de salopard, mais c'est du Kojima. Il avait déjà cette idée d'interagir avec le joueur. Qu'il ne soit pas juste joueur qui interagit. C'est donc, pour ça que j'aime Kojima, en fait. Sur le coup, le chat l'attend, fébrile. Je vous ai trouvé un Snatcher européen à vendre sur eBay. N'ayez pas peur du prix, vous pouvez faire une offre directe. Je vais cliquer dessus et si vous m'entendez faire quoi, des blarks. C'est quoi le prix? 460 balles. Combien t'as dit? 460 balles, mais attention, avec 14 balles de frais de port, parce que le mec, il aurait pu se dire, attends, j'inclus les frais de port, mais c'est bizarre, attends, moi je suis un Allemand, moi non, moi les frais quitte de port... Quitte à gratter, autant bien gratter. Ah bah oui. Donc à la limite, tu peux faire baisser le prix de 14 euros pour tenter de gratter les frais de port, si vraiment vous êtes intéressé. Et puis voilà, j'aime beaucoup voilà, donc... le mec, la photo, sur sa photo, il met le ticket de caisse, c'est... Regardez, je l'ai acheté 40 livres. Wow. Ah ouais, 40 livres. 40 livres c'est... et c'est un Allemand. Hein. Le gars, il a même pas honte, quoi. Il est fier, tu sais. Genre, regardez. Il a payé le truc 40 livres, mais c'est un Allemand. Donc, il a un problème quand même. Attention, il a payé 40 livres en 1995. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Ouais. Non, mais t'évites de mettre le prix d'origine, en fait. Voilà. Mais non, c'est le ticket d'origine, ça a de la valeur pour un rétro gamer, non? Non, ça va. C'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, s'il y a des gens, ils te revendent leur vieille console ainsi que leur souvenir, mais t'as l'impression que leur souvenir il vaut plus cher que la console. Oui, oui. Voilà, c'est ça, hein, quand non, tu vois des, donc, fois, voilà, des, prix, ouais. des prix fantasy voilà. sur le bon coin. Vous savez que pour un Snatcher, c'est le prix que vous allez débourser. Donc, vous n'avez rien entendu, mais la science. Voilà, on peut passer à autre chose. Là. Donc, Snatcher est très bien. Voilà, sur le coup, on va passer à l'autre jeu, puisqu'il y a un autre, alors qui n'est pas la suite directe. Non, mais qui a une suite spirituelle, on va dire. Voilà. Le fameux Police Notes. Et on peut jouer à de quel film il s'inspire. Parce que lui, je sais pas, vous savez de quel film il s'inspire. Moi, j'ai jamais joué, donc. Bah, tu sais quoi, tu vas sur Google, tape Police Notes, tu mets les images, et tu regardes la gueule des deux personnages. Fais-le. Ah mais si, mais moi je sais. Voilà. Ah mais putain, et c'est fou hein, comme il leur ressemble. Hein. Fais-le, et après, si tu connais le film, tu vas faire « Oh putain ouais. !» Bah, l'arme fatale. Oui. Et donc le jeu est sorti sur PC-98, donc l'évolution du PC-88, donc micro-ordinateur japonais. Il est sorti également sur 3DO, PlayStation et Saturn, et le tout uniquement au Japon. Et sachez, pour faire encore plus mal à votre pitiquaire, que normalement, ils auraient dû traduire la version Saturn, mais que Hideo Kojima a annulé la traduction. Le truc qu'il faut savoir, c'est que la traduction était finie. Mmh. La traduction était finie. Le jeu devait sortir. Mais non. Après, j'ai envie de dire, il existe une fan trad. Très, très bien. Voilà. Pour la version PS1, qui marche du feu de Dieu, vous n'avez rien entendu, mais... Oui, c'est la meilleure manière d'y jouer, et de la même manière générale aussi en émulation, parce que vous vous doutez que ce genre de jeu... Bah, en Jap, il coûte assez peu cher, en fait. Les versions Jap ne sont pas particulièrement chères, il existe même des versions un peu collector, on peut trouver à des prix relativement corrects. Mais vous allez rien caler, voilà. C'est ça, le problème il est là, c'est que c'est un jeu avec beaucoup de textes. On va vous demander beaucoup, il y a beaucoup de choses, voilà. Non, sachez donc, que la version 3DO est encore moins chère, mais... Oui, c'est vrai. Après, pour la collection, si vous aimez l'objet, le jeu n'est pas particulièrement cher, effectivement. Effectivement, les éditions limitées, sur Saturn en particulier, je vois ça, des packaging limités avec des jolies choses. Oui, qui sont jolies, et c'est pas... c'est pas particulièrement cher. C'est un jeu qui cote pas plus que ça. Et qui tient sur trois disques, Avali. J'ai jamais joué. Autant j'ai joué à Snatcher, autant j'ai jamais joué. J'adore Polysnote aussi. C'est un jeu qui se tient bien. Il y a un assez bon scénario. C'est très rythmé. Les phases de shoot. Peut-être très désagréable, faut être honnête. Il y a un moment où c'est compliqué à la manette. Avec le flingue, je pense que si on peut y jouer au flingue, parce que je sais même pas, je pense qu'on peut y jouer au flingue certainement sur PS1 et Saturn, mais à la manette, c'est un peu raide. Mais dans l'ensemble, ça reste un jeu très, très, très, très bien. Mais tu vois, là, déjà, les trois jeux qu'on a cités avec le Metal Gear, le Polysnote et le Snatcher, c'est quand même extrêmement référencé cinéma, quand même. Hein. Mais c'est Kojima. C'est ouais. Les gens qui lui reprocheront par la suite. Il met des ouais, cinématiques. Ouais. Il met... Ouais. Mais tu vois, il est très influencé par ça. Ça joue. Il voulait être réalisateur. Il s'en est jamais caché. Il a toujours dit. C'est pour ça que maintenant, avec les moyens qu'il a, il ouvre son studio pour faire des films. Oui, oui. C'est pas anodin. Hein. Il a le temps de mûrir son projet et de faire des trucs. Hein. Mais oui, il aime le cinéma. De toute façon, Metal Gear, le codec, hein, c'est quiconque a joué à Metal Gear et a poncé le codec. A des anecdotes sur le ciné en long, en large et en travers. Bah ouais, moi j'ai pensé à Rambo, évidemment. Mais c'est vrai que même le jeu a été bien accueilli, Polysnotes, à l'époque, les notes sont vraiment favorables. C'est juste qu'il est resté très méconnu en Occident à cause de son manque total de traduction. C'est ça le problème, mais ça reste un bon jeu, ça reste une histoire qui se tient bien, les personnages sont attachants. Ouais, c'est de l'arme fatale, ça, pour le coup. C'est l'arme fatale. C'est vraiment. L'arme fatale, mais de l'arme fatale dans l'espace. Dans l'espace, d'accord. Oui, mais Polysnotes, quoi. C'est les policiers de l'espace. Policiers et astronautes. Le jeu date de 1994. C'est bien. Parce que, au niveau des sorties de jeu, on a donc Metal Gear sorti en 87, Snatcher en 88, Metal Gear 2 en 90. Et ce Polysnotes, donc, en 94, où là, déjà, on sent qu'il commence à prendre un petit peu plus de temps pour faire ses jeux, le gars. Ouais. Le gars, là. Et il va prendre encore plus de temps. Il va prendre 4 années. 4 années pour en venir au jeu, on peut dire, qui a fait quand même, en Europe, exploser la popularité du bonhomme. Et qui, en même temps, restera, à mon grand désarroi, un des jeux... PlayStation n'est plus plus emblématique de la console. Ah moi je comprends pourquoi. Hein. Metal Gear Solid. Oh punaise. Tout court. Le jeu qui m'a fait faire des convulsions. Techniquement c'était même un truc du genre tactical espionnage action Metal Gear Solid. Oui oui. Un truc comme ça. Tactical, ouais. Il le présentait comme tactical espionnage. C'était quoi action. Non, mais action. Vous savez, on pourra reparler de sa manière de se mettre en scène et sa manière de faire de la promotion. Elle était déjà là. Ah oh, oui, là, oui, clairement, là, ouais. Ouais. Il savait comment faire et il l'a fait. Oui, mais il a commencé avec Solid, quand même, hein, ce côté très, très égocentrique quoi, sur le personnage. Oui, bah oui, non, mais. Il avait déjà fait des voix dans, il fait des voix dans ses propres jeux. Non ouais, ou alors j'allais dire c'est ou en tout cas c'est sur celui-là où on s'en est rendu compte nous, voilà. On est en 98, la PlayStation cartonne et on est à un moment où j'ai envie de dire les éditeurs ont l'audace de prendre des risques puisque de toute façon là où ils en sont, la base de console étant tellement énorme. Il faut qu'ils tentent des choses. Et donc, littéralement, Konami va encore dire la même chose que sur MSX à Kojima. Il a filé les clés de la boîte en lui disant « Vas-y, on te regarde. Fais ce que tu veux. Fais un jeu comme... » Il a pété une durite parce qu'il s'est aperçu que le hardware qu'il avait, lui, permettait de faire ce qu'il voulait. Mais grand bien lui fasse. Quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était une époque, tu le soulignes un petit peu là, brièvement, mais c'est vrai que tout était permis, j'ai l'impression, sur PS1, quoi. Tu vois, c'était vraiment une création débridée, c'était fou, quoi. C'est normal parce que on passait de la 2D avec la Super NES et la Mega Drive à la 3D où tu pouvais. Il y avait tout à faire. Mais il y avait pas ce côté faut faire gaffe au budget presque. Tu vois, il y avait vraiment un côté. Parce que c'était 98 et que le jeu vidéo n'avait pas atteint. C'est ça. Oui. Et du coup, c'était vraiment fou, quoi. Moi, au début, franchement, le jeu ne m'intéressait pas. Je voyais un jeu extrêmement réaliste, dans les magazines. Moi, c'était pas du tout ma came, hein. J'étais déjà depuis la Super NES très porté RPG japonais. Donc, tu vois, avec un design très japonais, moi, c'est ce que je voulais. Et donc, MGS, je m'en foutais un peu. Ouais, alors bon, malgré moi, les tests. Sauf qu'un pote est arrivé avec le jeu pour me le montrer. Et là, ça m'a fait mal, quoi. Bah moi, j'attendais le jeu, j'en avais entendu parler. Oh. C'est pareil, c'est un pote qui m'a amené la version, ouais, la version américaine. Il l'a mis. Oh là là, mais regardez, j'ai eu très mal. Je crois que c'est l'une des premières grosses claques, ouais, que j'ai eues en termes de jeux vidéo, vraiment. Avec ça, Resident Evil, effectivement, hein, j'avoue. Moi, j'avais... Ah ben là, ça a surpassé Resident Evil, moi. Hein, bah tu vois, c'est dans la même époque, en plus, tout ça. Ouais. Chaussée, hein, moi, j'avais pas la PlayStation. Mais mon père, j'avais déjà dû raconter cette anecdote, mais mon père imprimait les consoles plus. Mmh. Il m'avait ramené le console plus, du coup, où il y avait la soluce du jeu. Et en fait, la première fois que j'ai fait le jeu, c'était en lisant la soluce. Et je me disais, mais. Oui. Mais non, mais tu sais, et puis j'étais en train de dire, mais je dis, mais on peut pas. C'est un jeu, on peut pas faire ça. Donc voilà, ben, voilà, tu vois ce que t'as ressenti. Moi, je l'ai ressenti en tant que joueur. J'étais là, mais il faut vraiment faire ça et tout. Mais j'en croyais pas. Et un jour, un pote m'a fait. Alors, c'est le pote d'un pote qui a ramené chez le pote en question. Et il nous l'a montré. Et j'étais là en mode, putain, mais si, mais en fait, tout. Enfin, si, c'est ça. Enfin, c'est ouf. Et du coup, j'ai pris à malin plaisir. Par contre, là, c'était mon côté un peu bâtard déjà à l'époque qui était bien sorti. À dire, ah ouais, non, mais si, tu vas voir là, un moment où. Enfin, tu sais, en gros. C'est pas bien, monsieur. Oui, je regrette maintenant parce que j'aime pas qu'on me le fasse. Il y a des trucs, j'ai spoilé comme un gros enfoiré. Parce que là, on est en train de parler de notre amour pour ce jeu, mais toi, Beyond. Alors moi, c'est un ami à moi aussi qui paraît qu'il avait terminé, donc il me l'a passé. J'y ai joué, je sais pas, peut-être un mois après qu'il soit sorti, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, si je n'ai pas passé un mauvais moment, mais déjà à l'époque, j'avais déjà fait le calcul dans ma tête que si je virais toutes les parties codec et tous les dialogues du jeu, le jeu, il durait quand même vachement pas longtemps. Et... Bah, Metal Gear, le premier, il a déjà ce côté Kojima, effectivement, où oui. Il y a des choses qu'on te demande de manière à faire qui semblaient à l'époque improbables, et sur le coup, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, puisqu'il y a des choses qui sont tellement pas expliquées dans le jeu que tu peux frustrer n'importe quel joueur et lui faire bouffer sa manette. Bon, parce que évidemment on ne va pas reparler de Psychomantis encore. Mais c'est totalement improbable. Au-delà de ça, c'est comment dire. Tu as effectivement raison. Psychomantis, c'est un truc de fou. Mais quand tu vois, tu mets le jeu dans les mains de gens qui ont jamais joué avant, mais surtout des gens qui vont pas prendre la peine de lire la notice, ils deviennent fous en 5 minutes. Hein. Ouais. Non seulement ils deviennent fous, mais ils comprennent pas le principe. Hein. Non, mais c'est surtout. Imagine les gens qui connaissent pas le média à l'époque et on leur fait la manette. Je vais faire vibrer ta manette. Pose-la par terre. Quoi ? Mais le coup après du codec marqué, donc du codec en photo sur la pochette, les combats comme le combat contre la snipeuse et la façon dont il se passe, il y a des choses. À l'époque, je me dis, mais c'est pas vrai, j'ai fini par aller lire dans un magazine comment il fallait faire, comment j'ai trouvé ça. Ils le disent. De toute façon, le codec, ils te disent, regarde derrière la boîte. Ils te le disent, mais en plus, si t'as jamais, c'est comme d'habitude, c'est là, comme tu dis, c'est sa force et sa faiblesse. Il va aussi de te demander d'aller voir. Quand le jeu te dit regarde derrière la boîte, tu te demandes quelle boîte dans le jeu. Quand il te demande d'aller voir le maître d'armes qui connaît comment fonctionnent les boss. Je me sais plus ce que je m'étais dit à ce moment-là. Natasha Romanenko qui va t'expliquer certains trucs. En fait, il y a des petits trucs. Il joue avec ça. C'est le côté d'aller voir un truc beaucoup plus con qui m'avait marqué à l'époque et qui reste pas du tout genre quatrième mur, mais vraiment dans le jeu en lui-même. C'était le coup de la cigarette pour voir les faisceaux infrarouges là. C'est con. Ça m'avait halluciné. La cigarette que tu te dis, mais c'est con, ça fait perdre l'énergie, plus jamais j'y toucherai. Ouais. Mais c'est fabuleux, mais c'est ça que j'aime. C'est génial. J'ai trouvé ça génial, la clope, quoi. Mais vraiment. Non, mais après, ça reste un jeu. Tu veux dire dans le jeu vidéo, hein, ne fumez pas les gens, c'est pas bien. Oui, évidemment. Enfin, monsieur Pell. Non, mais après, oui, c'est quelqu'un. C'est génial, le club. C'est quelqu'un qui a fait le cinéma dans le jeu. Hein. Je parle même pas de ce qui deviendra, évidemment, le running gag principal de la série, à savoir le coup du carton pour se cacher les ennemis. Oui, celui-là. Bah, oui. Celui-là et Johnny Sasaki, avec... qui ont joué. Oui, alors oui, bah oui, la chiasse. Mais puis c'est vrai qu'il y avait aussi la séance de torture au milieu. Et ouais, la diarrhée. Improbable. Ouais, Johnny Sasaki. Ah oui, c'est le monsieur diarrhée de tous les épisodes. Et qui prend son apothéose dans le 4. Et tirer l'oreille. Ouais, bon, alors, ah oui, là, on pourra parler d'introduction après, mais il y a aussi cette histoire de loup qui te pisse dessus quand t'es en carton. Quand t'es dans un carton. Et comme ça, après, les loups, ils t'aiment bien parce qu'ils ont une odeur de loup. C'est vrai, ouais. Franchement, moi, c'est des trucs, ça, bah, j'ai trouvé ça vraiment génial en fait. C'est là où vous voyez que ceux qui connaissent The Strong Dig et qui connaissent pas particulièrement Kojima, ce n'est pas que de maintenant le pipi et le. Ah oui, le pipi caca de Kojima, c'est. Oui, c'est une. Ah bah dans toujours. tous les Metal Gear, il y a du pipi caca. Il aime le pipi, il aime le caca. Et... Oui. Et donc pour parler d'une des autres spécificités du jeu, donc Pelle, tu as commencé à le dire, on va le dire. Le jeu à l'époque, la confiance était telle qu'il a été non seulement traduit, mais en plus il a été entièrement doublé. Ah bah et là, attention, on a presque un effet Club Dorothée qui arrive. Le doublage français de Metal Gear. Je n'aime pas le doublage français. Je déteste le doublage français. Parce que toi, c'est pour David Hayter, c'est ça. Je suis fan de David Hayter, mais pas que en tant que doubleur, en tant que scénariste aussi. Scénariste de X-Men, de Watchmen, de plein de trucs. Il a joué dans Guyver. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et effectivement, pour moi, c'est Snake. Mais je trouve le doublage anglais beaucoup plus professionnel. Bah, c'était des vrais acteurs déjà. Enfin, oui, non, mais ça s'entend. Après, je dis pas qu'il est mauvais. Il est le. Mais c'est le doublage de cette époque. Et bah moi, le doublage français de Metal Gear, bah je l'aime bien de la même manière que j'aime bien le doublage français de Ken le Survivant ou autre. C'est-à-dire que c'est de la merde. Et puis c'est tellement de la bonne merde. Le problème, comme tu disais, Pelle, c'est tu disais tout à l'heure que Metal Gear Solid était moins premier degré que les premiers sur MSX. Oui. Oui, mais le doublage français fait aussi beaucoup. C'est en partie à cause du doublage français. D'accord. Mais même sans ça, je peux pas imaginer des trucs aussi terre à terre dans le scénario, tu vois. J'imagine vraiment mal, quoi. Tu veux qu'on se tire l'oreille, il existe. C'est la traduction littérale de ce qui se dit en anglais. Oui, ils se disent ça vraiment. C'est ce que je voulais dire. David Hayter, mais c'est pas pareil. C'est vrai que Metal Gear n'est pas premier degré. Non. Vous vous souvenez de la séquence de fin? Bah ouais. Mais tu vois, la séquence de fin résume à quel point Kojima est. C'est pas parce qu'il y a pas des moments où il met pas de la déconne dedans que le ton global est quand même vachement serious business, je crois, en ce que je dis, quoi. Les thématiques qu'il a dans les soldats génomes et tout, c'est une thématique qui le travaille. La guerre le travaille. C'est quelque chose qui est super importante pour lui. Et parce que, façon, ouais, la, on le voit. La, mais je peux pas dire la fin de Metal Gear, déjà à l'époque, j'avais trouvé ça, mais d'un prétentieux, mais d'un. Oh, moi, j'avais trouvé ça sensationnel. T'en fais pas trop, là. C'était à l'image. Non, mais c'est à l'image du jeu. On te demande quand même d'intervenir tout seul dans une base, à aller défourailler tout le monde. Tu combats quand même Vulcan Raven. Vas-y, ça me fait penser que toujours dans les côtés références cinématographiques, là, c'est clairement Las Vegas. C'était quoi, 1997? Oui, mais Snake Plissken. Avec Snake Plissken, évidemment. En plus, c'est le même personnage. C'est du Carpenter. Escape from New York, Escape from LA. Voilà, ouais. Et en plus, tu sais, vraiment, il a la même tronche. Quoi. Non, mais il s'en cache pas, il s'en est jamais caché. On le sait. Après, ce que je veux dire, c'est que ce film de Carpenter n'était pas premier degré, déjà, quoi, à la base. Et c'était ça, sa référence, tu vois. Du coup, enfin, je sais pas. Premier degré. Ouais, que ça nous ait marqué en bien ou en mal, il nous a marqué quand même. Oui. Et évidemment, on peut pas dire. Même si à l'époque, moi, il y a d'autres jeux que j'ai préférés, il y a d'autres univers que j'ai préférés, je ne peux pas dire que Metal Gear Solid ne m'ait pas marqué profondément en tant que joueur, évidemment, puisqu'il faisait des choses qu'on avait juste jamais vues. Mmh. Donc oui, c'est impossible de dire le contraire. Surtout, c'était encore une époque où on avait encore beaucoup de gens en 3D qui étaient, comment dire, des adaptations de ce que les concepteurs jeux vidéo avaient comme habitude à faire en 2D, et souvent c'était mal foutu, tandis que là on a vraiment un jeu qui a été prévu pour de la 3D et ça fonctionne. Et scénarisé, c'est ça, scénarisé du début à la fin, parce que à l'époque, te mettre des cinématiques qui durent 10 minutes, fallait oser. Fallait oser. T'avais quand même une grosse chance de perdre ton public. Ouais, c'était vraiment une grosse mise en scène, hein, quand même. Hein. C'était pour l'époque, des plans de caméra, des trucs. Ouais. Tout, il avait c'était... tout millimétré pour que ça soit un film. Ouais. C'était un des jeux les plus ambitieux que j'ai pu voir, quoi. En premier, des premiers jeux ambitieux. Pour l'époque, oui. Alors, je sais plus. Parce que FF9, en termes de mise en scène, c'est très différent, mais la mise en scène d'FF9 est assez remarquable aussi. Hein. Ah bah, par oui, contre, très théâtral. Plus théâtral que cinématique, mais que cinématographique. Non, comment on dit cinématographique, ouais. Non, mais tu as raison. C'est mais tous les FF, hein. Ouais, mais ça, le, 9, hein. Le 9, ils avaient mis la barre, mais en termes de mise en scène. Ah, le 9, c'était le. Et puis j'ai dit Las Vegas 1990, mais c'est New York. Ouais. Oui, c'est ce bien que tu as corrigé, ouais. Non, bah. Il faut passer aux autres jeux. Non, juste pas rapidement, pour les petites anecdotes, en Metal Gear est sorti sur PC, Metal Gear Solid. C'est vrai, oui, qu'il y a une version PC. Ouais, version qui est capable, donc, d'après la description, d'une haute résolution de 1024x768. Bah, ça déconne pas. C'était la haute résolution à l'époque. Mais c'était beaucoup déjà à l'époque. Bah ouais, en fait, c'était beaucoup. C'était. C'était trop fort juste qu'une PS1. C'est... Le jeu va pas vous coûter les yeux de la tête sur PS1, non. Surtout qu'il est disponible maintenant sur pas mal de supports possibles imaginables. Si vous rajoutez un peu de prix, vous pouvez avoir les VR missions aussi. Voilà, donc il existe un second CD en standalone qui rajoute les missions spéciales. C'est les missions réalité virtuelle. Il existe un packaging qui réunit les deux jeux dans la même boîte avec un insert en carton autour. Mmh. Voilà. Qui est c'est comme tous les trucs en carton aujourd'hui, plus difficile à trouver. Et il existe, je suis désolé de vous l'apprendre, une édition limitée européenne du premier Metal Gear Solid qui vous coûtera à l'heure actuelle un prix absolument indécent. Elle est quasiment impossible à trouver. Plus facile à trouver le 2, les éditions du 2, du 3, voire même du 4 que la première. La première, c'est chaud. Il s'appelle Limited Premium Package, pour être pressé. C'est pas le nom qu'il y a aussi pour tous les autres, quasiment, non ? Bonne question, mais je crois voilà, que c'est le nom qui revient régulièrement. Et pouf. Et après, bon, quand je dis un prix indécent, non, en vrai, on est moins cher que sur un Snatcher aujourd'hui. Mais bon. Mais ça vaut quand même. Mais ça vaut 300€ complet en parfait état en VF, ça vaut 300€ voilà, environ. Voilà. Mais c'est existe. Donc oui, on va passer quand même à la suite. 3 ans vont s'écouler. Juste pour dire aussi que entre temps, il était quand même producteur de tout ce qui est les jeux Beatmania, les Beatmania. Oui. Moi, je savais pas. Il a été producteur de ça. Il a été producteur aussi des Tokimeki Memorial, qui sont des jeux de drague de Konami, très très connus au Japon, mais qui chez nous n'existent pas. Il a chapeauté ces jeux-là et en tant que producteur, on entendra peut-être après. Il a aussi produit les deux Boktai sur. On en parlera un peu plus tard parce que c'est 2003. Ouais. Mais effectivement, mais voilà. Donc, je continuais sur la série des Metal Gear Solid, sur le coup. Donc, 3 ans plus tard, en 2001, sort Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty sur PlayStation 2. On parlait de sa manière de se mettre en scène et sa manière de faire de la promotion. Je crois que c'est le meilleur exemple pour MGS2. Mais il y avait une différence par rapport au premier, c'est que là, il y avait une attente. Là, les joueurs attendaient le 2, comme des fous. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette attente? Bah ouais. C'est du Kojima, quoi. Vas-y, Beyond, vas-y. Ouais, mais je veux dire, là il faut commencer à jouer avec les joueurs à ce moment-là, tu vois. Ouais, plus qu'auparavant, je trouve. Ah, mais je vais être clair, je n'ai jamais terminé Metal Gear Solid. si t'as pas aimé le Serious Business. Ben disons premier. Que surtout, j'ai commencé Metal Gear Solid 2 en me disant « Ah, oh, ça a l'air d'être la suite du premier. » Et là, mais qui c'est ce personnage? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. Pourquoi le jeu il me demande de choisir entre le tanker? Mais qu'est-ce que... J'ai... Voilà. R. Et c'est là où on parle de Kojima. C'est exactement ce qu'il est. C'est un troll. Alors là, ouais, oui, mais parce que Metal Gear Solid 2, c'est sacrément culotté de se dire que là, il a juste à faire une suite au premier et tout le monde va courir. Et il offre quand même quelque chose d'inattendu. Bah, tu sais quoi, je vais te faire une comparaison con. Pour moi, pour ce MGS2, Kojima, il a fait une Hideo Kiano sur Evangelion. Tu prends la fin de MGS2, tu te rappelles de la fin de Evangelion. Tu regardes le questionnement qu'il fait dans le jeu et tu te dis ah ouais quand même il fallait le faire. Mais moi je pense que c'est mon préféré le 2 en vrai. Bah moi le 2 j'ai eu un problème avec. C'est pas ce qu'a dit Beyond, parce que moi je m'en fous, on me dit bon bah je joue pas avec Snake, bah trop bien, je joue pas avec Snake. Enfin tu vois, enfin voilà, je. Non, non, le problème c'est que à un moment je me suis dit, mais putain, c'est le 1, mais sur PS2. Ça. Et il y a un moment il te dit, bah oui, t'as joué au 1 sur PS2. Et je fais, mais Kojima, mais je vais te casser ta gueule. On va pas spoiler parce que ça intervient à la fin du jeu et le retournement, le plot twist, il est fabuleux. Bah oui, bah alors le twist, il est fabuleux. Oui, la fin, oui, mais je veux dire, le fait qu'il te. Enfin, textuellement. Enfin, oui, même si, en vrai, il y a prescription. Hein, je pense qu'on peut parler d'un jeu aujourd'hui. Ouais, bah, j'en dirai pas plus, ans, mais c'est 2002, je pense qu'on peut, hein, 2001-2002. Je me suis dit juste qu'à un moment, je me suis dit, il y a un moment du jeu où je me suis dit, mais en fait, il s'est foutu de ma gueule, et ça, j'ai pas aimé, moi. Ouais, mais après, comme c'est expliqué, et c'est ça qui est fabuleux, il te le dit même. Ouais, mais. Faut pas que t'aies cette sensation-là, il te l'explique même. Mais en plus, l'explication, elle est plausible par rapport au contexte du jeu. Ah oui, alors oui, par contre, oui. Je dis pas que c'est. Mais moi, ça sort de nulle part et que c'est nul. Ouais, je dis juste que j'ai pas aimé. Ouais, mais je comprends tout à fait, mais c'est Kojima. Ouais, mais alors, et c'est marrant parce que t'as l'air d'avoir le même ressentiment, vas-y. Mais moi, alors là, jusqu'à ce soir, à l'instant même, moi, je m'étais dit, je jouais au 1. Quoi. C'est la même structure. C'est la structure, le schéma narratif. Jamais je m'étais fait la réflexion. Ah, mais c'est une retranscription, c'est ça qui est culotté, effectivement, c'est une retranscription. Tu changes de personnage, tu changes de lieu, mais façon de jouer. Le cheminement, ben, tout est pareil. Je sais pas, il y a tellement de nouveautés quand même. Ah ben, le gameplay est différent. Non, mais je dis pas que c'est le même jeu, mais c'est la manière de résoudre les choses et tout. Le jeu te le dit lui-même. Hein, un truc tout bête aussi, enfin tout bête, pas si bête que ça, c'est que techniquement, moi, il m'a mis sur le ça par contre. Oui, là. C'est que même, c'était un jeu qui n'était pas forcément début de gen PS2, mais presque quand même. Mais. Quand je rejouais à des vieux jeux PS2, je relançais après Metal Gear Solid 2, mais il est toujours là, quoi. Rappelle-toi le trailer avec Lou. Pour moi, c'est vraiment l'un des premiers jeux PS2 où tu commences à comprendre. Mmh. Ouais. Elle est capable de faire des trucs, quoi. La cinématique d'intro. Visuellement, c'est fou, hein. C'est propre, mais alors. Et puis aussi, il faut dire Harry Gregson Williams à la musique, évidemment. Kojima n'allait pas prendre n'importe qui, on parle de cinéma. Alors, pour aller dans ce sens-là, dans le sens des qualités techniques du jeu, bon, ça, bien entendu, c'est un jeu qui a été développé spécifiquement pour la PlayStation 2, qui fait des choses qu'on n'avait pas forcément déjà vues sur PS2 et qui les fait très bien. La gestion de l'eau, ça va même encore plus loin que ça, puisque donc le jeu ressortira dans une seconde version sur PS2, la version Substance. Exactement. Oui. Où tu peux faire du skate. Voilà, avec pas mal de choses en plus, avec un mode première personne. C'est ça, c'était surtout ça. Avec du skate, bref. Avec du skate. L'idée, c'est que cette version Substance va sortir sur Xbox également. Ouais. Et les gens vont se rendre compte, en les mettant côte à côte, que la version Xbox, elle est moins bonne techniquement que la version PS2. Il manque plein d'effets, il manque plein de choses. Si vous voulez jouer à Metal Gear Solid 2 aujourd'hui, c'est sur PS2 qu'il faut y jouer et pas sur Xbox. Et il ne coûte que dalle. Ah oui, carrément, c'est ça. C'est vraiment ça qui est fabuleux. Hein. Ouais, c'est un chef-d'œuvre et il ne coûte rien. Ouais. Donc là, pour le coup, faites-vous plaisir. C'est vraiment le jeu, c'est vraiment le cas typique. En fait, on dit le rétro gaming, c'est cher. Ouais, non, mais en plus, c'est une série qui est super connue, c'est ça qui est fabuleux. C'est une série qui est connue, qui est aimée, et pourtant, les jeux ne valent rien. Ah ouais. Moi, c'est un jeu qui m'aura vraiment beaucoup, beaucoup plu, quoi. Mais vraiment bien. Ah bon, pareil. Peut-être pas autant que le 1, par contre. Mais moi, j'aime beaucoup. Ouais. Là, par contre, l'épisode où j'ai commencé un peu à me dire, bon, c'est le dernier de la série que je fais, et puis après, voilà, j'arrête. C'est le 3. Ah, le 3, j'ai surkiffé. Alors, c'est un bon jeu. Alors, attention, est-ce qu'on brûle pas des étapes là? On va faire une petite parenthèse où là je vais encore perdre tout le monde, mais c'est pas grave, tant pis. En 2004, le premier Metal Gear Solid va connaître un remake. Mais qu'est-ce que je l'aime! Pardon, j'ai jamais fait celui-là. Donc, il est sorti sur Nintendo GameCube, il s'appelle The Twin Snakes. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous avec Ghost Babel, c'est sans doute le plus onéreux à l'heure actuelle. Aux dernières nouvelles, j'avais regardé, tu pouvais l'avoir à 80 euros. Voilà. Je ne sais pas si c'est encore augmenté, mais c'est 4 CO de l'ordre de 4. Voilà. Donc, co-développé par Silicon Knights et Konami. Silicon Knights, c'est ceux qui avaient fait le jeu d'horreur. Double Domain. Eternal Darkness. Eternal Darkness sur GameCube aussi. Legacy of Kain. C'était eux aussi. Ok. Bah ouais, ouais, on en avait parlé, ouais. Et non, alors, il faut passer. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Outre le fait que le jeu n'a pas vraiment été dirigé par Kojima ce coup-ci. Ah non, pardon. Le truc, c'est que, on parlait du second degré de Metal Gear Solid. Oui, mais bon, là. Et là, tu sais, on sait pourquoi. Il faut dis qui c'est qui dirige les cinématiques. Ah. En fait, il a demandé à un gros réalisateur japonais de films de genre qui s'appelle Ryuhei Kitamura de faire toutes les cinématiques. Sauf que Ryuhei Kitamura, il fait du film gore, il fait du film bizarre, ça tranche, c'est n'importe quoi tout le temps. Il a appliqué ça aux cinématiques de Metal Gear. Donc, si vous voulez voir Snake donner des coups de pied dans un missile, courir dessus, faire des saltos, jouez à ce jeu. Si vous êtes thématique à ça, passez votre chemin. Excuse-moi, mais c'est Snake, c'est pas Homer Simpson, hein, on est d'accord. Hein. Non, les cinématiques sont fabuleuses, mais... Je l'ai jamais fait à cause du prix, hein, tout simplement. C'est japonais. Là, pour le coup, il a pris un réalisateur japonais qu'il aime, parce que Kitamura, Kojima a joué dans certains de ses films. Ah oui, en plus, oui. Il a apparu dans Versus, je crois. Je me demandais avec quel film je le connaissais, c'est avec Azumi. Il était dans Azumi aussi, Kojima. Il a fait Versus, Saragami, Azumi... Il a fait pas mal de films, quoi. Là, sur le coup, Twin Snakes, je pense que c'est un jeu qui est impossible de prendre au premier degré. C'est impossible. Ah oui, bah là, oui. C'est tellement over the top. Jusqu'à la fin, c'est du what the fuck. Je connais des gens qui l'ont détesté parce qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi il fait du foot avec un missile? Au niveau gameplay, le jeu respecte quand même Metal Gear et ce qu'il est. Oui. Le jeu est excellent. Il y a une vue à la première personne pour MGS, et c'est bien. Voilà, paradoxalement, le fait que le jeu soit what the fuck comme ça au niveau des cinématiques en particulier fait que les moments marquants du premier Metal Gear sont un peu noyés derrière cette espèce de grand feu d'artifice de n'importe quoi. Le problème, c'est que c'est un jeu Kitamura. Ouais. Il a mis sa marque dessus, on lui avait demandé de le faire, il l'a fait. Et oui, je suis d'accord que les gens, ils n'aient pas adhéré parce que c'est tellement japonais. Mais ça reste, pour moi, après, ça reste une bonne manière de jouer au jeu dans des bonnes conditions parce que le jeu, il a été remanié. C'est vrai que la maniabilité, c'est beaucoup plus... C'est mieux. Toujours au niveau anecdote, parce que c'est très intéressant, les Japonais ont eu droit à un premium package avec, entre autres, une machine, un doc tag aux couleurs de Foxhound, un bouquin de 44 pages, et surtout, les Japonais ont eu beaucoup de chance, puisqu'ils ont eu droit à un disque GameCube appelé Special Disc qui contient la version Famicom de Metal Gear, désolé. Wow. C'est un beau cadeau quand même. Donnez la version Famicom. Famicom. Disons que c'est donné de bon cœur. C'est ça. On ne se moque pas. Tant pis, c'est la version Famicom. C'est un cadeau comme un autre. Ouais. Bref, c'était la petite parenthèse Nintendo. Mais effectivement. C'est un bon jeu. Si vous n'avez pas remarqué, je l'aime beaucoup aussi. Voilà. La grosse nouveauté de cette année 2004, évidemment, c'est le bouffeur de serpents. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Je l'ai acheté Day One. Eh ben moi, je ne l'ai pas acheté Day One. Ça fait partie de ces jeux cultes que j'ai acheté. J'avais un magasin qui s'appelait Ultima. C'était une chaîne de magasins d'ailleurs, mais... Ultima. Je sais pas s'il existe encore, mais enfin voilà. Et en fait, tu achetais des jeux, après on te mettait sur ta carte de fidélité le montant de ton jeu acheté, et tu pouvais acheter à avoir un jeu d'occasion gratuit, enfin pas gratuit, mais un jeu d'occasion qui correspondait à la moyenne des jeux que tu avais acheté. Mais vu que j'achetais que des jeux neufs, le jeu d'occasion que j'avais gratos, en gros, c'était un jeu qui venait de sortir, quoi, qui coûtait beaucoup. Quoi. Et j'avais acheté Resident Evil 4 comme ça, que j'avais gratos, et du coup Metal Gear Solid 3 aussi, que j'ai eu gratos sur PS2. Donc j'ai dû attendre quelques mois avant de l'avoir. D'accord. Et par contre... Plus, si... Vas-y, vas-y. Bah non, mais là, celui-là, je me suis dit, là, il se fout pas de ma gueule. Non, mais en plus, le truc, moi, pour MGS3, je me demande si c'est pas l'un des premiers jeux à avoir donné un steelbook avec. Moi, j'avais un steelbook, ouais. Ouais, et je savais pas ce que c'était. Si, sur PS2, il y a eu, en Europe, on a eu King Kong aussi, qui avait droit à un steelbook. Ouais. Ben voilà, les jeux en steelbook étaient rares à l'époque. Et MGS3 ouais, avait une version métal, c'était un steelbook, quoi. Ouais, ouais, et ben je l'ai toujours, celui-là aussi. Moi aussi, ah, mais moi aussi. Hein. Ouais, et oh, bah, ça a été une grosse claque. Hein, tout. Alors, ouais, bon, on va peut-être en parler plus en détail tout de suite. Vas-y, vas-y, Beyond, vas-y. Moi ? Alors, je dirais que Metal Gear Solid 3, c'est des morceaux de bravoure entrecoupés de gameplay chiant. Mais en même temps, tu n'aimes rien. Mais je suis d'accord. Il y a des moments, mais comme le premier, ça m'a fait pareil. Il y a des moments que tu t'y marques au fer rouge, tu dis c'est génial, mais comment il peut oser les trucs comme ça? Et puis il y a un moment où tu es accroupi dans les herbes avec ton pourcentage de camouflage en train de te faire mordre le cul par un serpent. Et là, puis on parlait d'influence cinématographique. Je pense que ça aura échappé à personne de qui il s'inspire. Ah bah rien qu'avec le thème principal, peu difficilement de planter là. Il a fait le générique d'intro, ouais. Oui. Il a fait son James Bond. Hein. Bah oui. Là, c'est son James Bond à lui. Il y a des James Bond girls d'ailleurs. Enfin, il y a tout là. Ah mais c'est un James Bond. C'est un truc différent par rapport aux autres Metal Gear, c'est que justement entre le Metal Gear, le Twin Snake et le MGS2, c'est qu'ils avaient comme point commun, c'est d'avoir cette colorimétrie, c'est très verdâtre, bleuté. Ouais. Et là, c'est arrivé dans des couleurs de films justement qui font années 60, 70, et du coup, on arrivait dans des teintes verdâtres, rougeâtres en plus. Ça changeait vraiment pas mal de choses, mine de rien. Quoi. Et en plus, il faut dire quand même que c'est la genèse. Oui. C'est important de le dire. Hein. Ça se passe dans les années 60, sur fond de guerre froide. Oui, bah, là, il explique toujours hein, ce contexte politique. Ça a toujours été Metal Gear. Hein, oui, sauf que là, il est. Montrer, on va dire, plus frontalement. Là, on t'explique vraiment. Oui. Là, c'est vraiment politique. Alors, moi, je trouve que le jeu, il est vraiment... Moi, j'ai bien aimé hein, cette idée de devoir se nourrir. Le camouflage, tout ça, j'ai trouvé ça... Le fait de se soigner, t'as une jauge d'endurance. T'as une jauge d'endurance aussi. Mais les zones n'étaient pas assez ouvertes par rapport à ce que le jeu prétendait être. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu arrivais dans une forêt, ça faisait vraiment une case, en fait. C'est à chaque fois. Après, la PS2. Bah oui. Techniquement, tu regardes le jeu sur PS2. Ouais, ouais, ouais. Capable de faire au niveau de la faune et la flore, l'herbe et tout. Bah oui, c'est ça. Mais ça gênait pas plus que ça, quoi. Le jeu restait agréable. Hein. Non, mais après, ça reste un jeu. C'est un jeu Kojima, là. Je pense que ce qui a vraiment marqué les joueurs à l'époque, enfin moi, ce dont j'ai le plus entendu parler à l'époque, en tout cas, c'est vraiment certains affrontements, certains boss du jeu en particulier, certains moments. The Boss. Voilà. Ah bah, The Boss, c'est le perso, c'est l'un des persos les plus fantastiques de la saga. Ouais. Et tu sais qu'il y en a pour pleurer, hein. J'ai eu ma larme à l'œil, moi. La fin du 3, elle est... Ouais, elle est forte, hein. Le combat final, waouh, c'est... Moi, par contre, je serais plutôt de la vie de Beyond. Le gameplay des Metal Gear. Non, mais là, le gameplay du 3, c'est particulier parce que t'as pas véritablement de radar et la caméra est très proche. Ouais. T'as pas véritablement de portée de vue. Tu vois pas. Ça a été réglé Le 3 sera perfectible puisque le subsistance arrivera derrière et corrigera quand même des choses qui rendront le 3 plus fluide et plus agréable. Totalement. Ouais. Ah, mais rien que le fait de pouvoir voir, mieux voir et d'anticiper que tu pouvais pas, c'était beaucoup plus difficile dans le tournoi. Ouais, mais dès que tu te mettais dans les herbes, t'étais en mode première personne, de toute façon. Quoi. Oui, mais quand tu avances et que tu vois pas particulièrement devant toi, que ton radar il est à pile, donc tu peux pas. C'est pour ça que les gens lui ont dit que c'était pas super agréable et que c'était difficile. C'est pour ça que dans Subsistance, il a rajouté le fait de mieux voir, d'avoir une plus grosse. Mais c'est pas plus mal. Et puis il y a quand même. On pouvait le faire dans le 2, les collections de photos de japonaises en petite tenue. C'était dedans aussi, celui-là. Je m'en rappelle plus. Comme par hasard, avait... c'est PLCPL qui nous sort collection, de collection, non, mais il avait mis des posters, mais ça, il l'a toujours fait. Mettre des posters... Oui, oui, il les prendre en photo pour... Ou jeter un magazine porno pour détourner attention. Oui, non, mais ça, après, ça, c'est la vision de la femme par Kojima. Hein, ça, c'est... Ah oui, c'est un gros beau. On en parlera plus tard, surtout pour MGS. L'autre... Le 5, hein. Snake Eater a connu une troisième version qui change encore des choses au système de jeu, qui est la version qui est aussi voilà une vraie prouesse technique, la version 3DS. Ah, la version 3DS, je l'ai jamais achetée en fait. Qui est ben, épatante techniquement, parce que là par contre on a Metal Gear Solid 3 dans la main. Hein, sauf qu'à jouer c'est pas terrible. J'ai jamais joué. Voilà, ils utilisent le gyro du mal, l'interface tactile évidemment. Ouais. Ils ont modifié certains éléments de gameplay aussi pour. Pour que ça soit jouable sur. Ça fait partie des adaptations du Schnapps. Hein. Tu te dis pourquoi ils ont fait ça, mais ils avaient fait ça de toute façon pour. Ils n'avaient pas fait un Street Fighter 4 Si. Oui, ils avaient fait ça. Voilà, ça reste des adaptations qui techniquement c'est génial, mais à jouer. Bah... Techniquement, au départ, c'était une démo technique. Street Fighter 4 sur 3DS. Ah oui, la version 3DS. Oh là là, oui, parce que là, on parle de l'adaptation 3DS. Non, je suis désolé. On voudrait mieux pas en parler. Non, c'est oui, pas non, non, mais c'est juste pour dire qu'en termes d'adaptation du Schnapps, 3DS. J'avais pas entendu, ça avait coupé en fait, c'est pour ça. Elle a accueilli des jeux que. Et MGS3, personne s'y attendait. Ils l'ont fait, c'est beau, mais c'est pas jouable. Il y avait aussi le petit clin d'œil à son jeu préféré sur PlayStation, quand même. L'apparition des petits singes de Apex Games. Ouais. Le petit jeu où tu dois tous les trouver, leur tirer dessus avec le plus bruitage. Mais c'est pour dire que Apex Games, c'est le jeu préféré de Kojima sur PlayStation. Tu vois, tu passes d'un truc super sérieux et d'un coup, en plein milieu du champ, tu vois un petit singe. Ça. Tu tires dessus. Un petit singe avec un gyrophare sur la tête. Ah, moi, ça, c'est mon genre de jeu, ça. Tu sais, les singes. Ouais. Mais de toute façon, il y a dans le Subsistance, il me semble qu'ils ont fait un mode spécial, non pour, Ah, je crois, oui. Où il fallait attraper les singes. Il fallait les choper dans la forêt. Juste, une des choses pour lesquelles Metal Gear Solid 3 était très critiqué à l'époque, c'est que effectivement, donc le jeu était techniquement proposé des choses en particulier au niveau de la végétation particulièrement dense, mais ça a eu un coup très lourd qui est du passage pour la première fois de la série en 30 FPS. Ouais. Et 30 et même moins avec des fois du tearing et un framerate qui tousse énormément sur une PS2 qui est un petit peu au bout de sa vie. C'est ça, mais elle est au bout de sa vie. Ça fait partie des choses qui ont quand même été... ils ont quand même dit à l'époque que finalement... On ne parlait pas encore, on n'avait pas de Digital Foundry, on ne parlait pas du nombre de... Enfin voilà, c'était pas les joueurs n'étaient pas autant focalisés sur les FPS que ça. Mais déjà à l'époque, ça avait été remarqué. Mais la version 360, parce qu'il existe la version subsistance sur 360, il me semble aussi. Il y en a une Le jeu est sorti sur Xbox normal. Non, sur 360. Ah non, le 3 est jamais sorti sur Xbox. Non. Il est jamais sorti. Sur 360, non, c'était les versions Legacy, là, comme il y a eu sur PS3. Ouais, les versions remaster. Non, non, le sur Xbox, il n'y a que le 2 qui est sorti. Jamais le 3 est jamais sorti. D'accord. Mais ouais. Enfin, moi MGS3 m'a laissé un bon souvenir parce que c'est cette période du jeu vidéo où je me suis dit ok, des fois les jeux vidéo il n'y a pas que du gameplay, des fois on me raconte des trucs et là j'avais accroché à ce qu'on me racontait. Surtout les combats de boss que j'ai trouvé vraiment très marquants. Ils étaient déjà marquants dans ceux d'avant, mais là vraiment on parlait de The Boss, mais Parce que leur histoire, elle est The Fury. Triste. Je me souviens de l'astronaute. Je me souviens du vieux. Enfin, la fin. The End. C'était lequel, celui où tu marchais dans la. C'était The Death, non? The End. Et celui-là, plus tu avais tué de gens dans l'aventure, plus il y avait d'ennemis dans la rivière. Et plus tu tues de gens, et plus il vient te hanter, et plus le combat est difficile. Et parce qu'il te montre le poids de tes péchés. T'as tué des gens, ils avaient. Ouais, mais ça, justement, on aurait dû le préciser, c'est que Metal Gear, tous ces boss sont des personnages fantastiques, mais dans le sens premier du terme. Oui, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, Metal Gear Solid 3, il va plus loin, hein, c'est clair. C'est l'équipe spéciale. T'avais des explications fortune dans 2, on t'expliquait que si jamais. C'était pas de la chance qu'elle avait, c'est juste qu'elle avait une ceinture qui faisait dévier les balles, elle le savait pas. Oui. Voilà, quoi, c'était pas. Donc, c'était fantastique. Bon, après, pour Vamp, oui, là, oui. Avec, avec les nanomachines, même si tu essaies de l'expliquer, non, c'est un peu difficile. Quand même, monsieur. Et puis, le sniper, là, le vieux qui était dans les arbres. Zind, il est fabuleux, surtout quand tu sais qu'il a la possibilité de tuer bien avant. On te donne des possibilités de le faire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est... Le 3, j'ai beaucoup d'amour pour lui. Ah, the Pain aussi, avec les abeilles. Enfin, voilà. Ah oui, avec les abeilles. Ah oui, c'était fou, ça. C'est... Enfin, voilà, moi, j'ai apprécié. Pas pour son gameplay. Hein. Je suis plutôt Team Beyond là-dessus. Hein, mais je suis d'accord. Je peux rien dire, je suis d'accord, même si j'ai sûr. Mais t'as raison, moi, il a des boss hallucinants, cet épisode. Hein. Ouais. Non, mais l'histoire, en plus, l'histoire comme elle est racontée. Et puis, on commence à te donner certaines pistes sur les Patriotes. Tu commences, en fait, parce que c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Metal Gear, même si c'est des histoires différentes à chaque jeu, ils ont un fond commun. Et chaque jeu va expliquer une histoire en profondeur, de manière des fois totalement invraisemblable. Et effectivement, quand tu recoupes ça, c'est recoupé avec le cul, mais il a essayé de faire quand même une histoire assez touffue. Oui. Ce qui va justement nous mener 4 ans plus tard, donc à la suite, comme tu dis, les Patriotes. Oui. On peut parler des épisodes PSP vite fait, genre les acides, on évacue ça. Oui, qui étaient pas mal hein, dans leur narration. Acide 2 et Portal Ops. Les Metal Gear Acid, c'est des jeux de cartes. Dans la mesure où c'était pas vraiment dirigé par Kojima, voilà, il les a produits. C'est ça, il est quand même producteur. Oui, d'ailleurs, on peut juste en parler. Zone of the Enders, c'est pareil, hein, il est producteur. Zoé est producteur. Donc... Il a quand même mis quand même une partie de ses idées et de ses obsessions dedans, mais. Voilà, mais c'est pas les jeux de Kojima, c'est pour ça qu'on les a pas trop abordés. Le seul épisode portable qu'il a réellement dirigé, c'est Peace Walker. Oui, on pourra en reparler après, effectivement, parce qu'il faudra en reparler. Chronologiquement, donc après Metal Gear Solid 4, en faisant passer sur PS3, si vous voulez dire, c'est ça, oui. Ouais. Donc 2008, et alors là, je vais me taire, puisque je vais avouer que je n'ai jamais joué à ce jeu. La seule chose que j'ai vue du jeu, c'est Raiden en face d'un paquebot, il me semble. Voilà, et c'est là où on parlait de trucs complètement what the fuck dans l'épisode GameCube. Et c'est pas de chance, je suis arrivé chez un pote, il a lancé le jeu en disant « Tiens, regarde où j'en suis », et 10 minutes après, il y avait 7 cinématiques qui se lançaient, et là j'ai fait « Quoi ?» Ouais, mais le truc, c'est que c'est complètement what the fuck, mais c'est expliqué et c'est cohérent avec ce qui... Ah non, mais je sais pas, parce que je n'ai pas vu ni avant ni après, moi j'ai juste vu ça, et j'ai dit « Que de quoi ?» Voilà, donc allez-y, disons que c'est pas la scène la pire, parce que je sais pas si tu te souviens du trailer pourtant d'annonce Beyond, mais t'avais quand même Raiden qui faisait de la capoeira en découpant des robots qui faisaient des meux, et puis enfin tu vois, et là je me suis dit c'est marrant, on dirait l'épisode GameCube mais canonique entre guillemets. Non mais c'est ça, mais c'est vrai, mais c'est Kojima, il reste quand même Kojima, c'est quand même le seul qui est capable de te faire vendre un jeu en te disant Snake va mourir. Oui, c'est vrai que c'était dit, c'était la promesse du truc. Rien que ça déjà. Et puis après, le 4, c'est un épisode que j'aime, mais c'est un épisode qui est fait uniquement pour les gens qui aiment le premier. Bah, moi j'ai bien aimé le 4. C'est un épisode fanservice, 100% fanservice, et si vous n'aimez pas les cinématiques, ne jouez jamais à MGS4. C'est exactement ça. C'est ça en fait. Le problème du 4, c'est que là, pour moi, on sort carrément du jeu vidéo. Quoi. Le rythme est pas bon. J'adore le jeu, mais il faut admettre que le rythme n'est pas bon. Il est plombé par un acte 3, je sais pas si tu te rappelles. L'acte. Tu dois t'infiltrer. Bah, c'est sûr que tu dois vraiment faire de l'infiltration, entre guillemets. Voilà. Sauf qu'il n'est pas adapté pour. Ah ouais. Non. Il y a plein de trucs qui ne vont pas dans le 4. L'infiltration ne marche pas. Après, le jeu, il reste quand même fabuleux parce que. Ça te donne des explications sur le Patriote, tu apprends plein de trucs. C'est l'épisode où il va centraliser vraiment tout ce qui fait Metal Gear. Il va tout prendre, il va tout fourrer dedans. Dont une séquence où tu vas refaire le 1 avec le moteur du 4. Oui, là tu peux pas faire plus fan service quoi. Enfin... J'ai des frissons rien que d'en parler, parce que c'est la séquence qui m'a mis sur le cul, je m'y attendais pas. C'est fabuleux. Mais ça reste un épisode pour les fans purs et durs. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui joue à ça, Bah non, c'est pas la peine. Et puis cette séquence de fin imbuvable qui dure 3 heures, je crois, un truc comme ça. Ouais, tu sais que j'ai été obligé de recommencer. J'ai eu la bonne idée de finir le jeu alors que j'étais en train de m'endormir. Ah ouais, bah ouais. 2 heures du mat, j'ai pas vu la fin. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est terrible. J'ai dû recommencer pour voir toute la cinématique parce que la cinématique, elle est. C'est génial. Mais il a poussé les potards à fond. Enfin ouais, c'était tellement une mauvaise idée. Mais surtout qu'en plus, tu sais, on te donne la première fin. Première version de la fin, puis après on te dit eh oui, mais en fait non, plot twist, nanana. Et après on te dit eh oui, mais ce plot twist là, eh ben plot twist, parce que en fait, putain, et là tu te dis, il contredit 4 fois ce qu'il vient de te dire. Ça. Ça c'est pas bien. Enfin, c'est tout le problème de ce jeu, et c'est là où effectivement, où t'avais une histoire qui arrivait à se tenir à peu près, et quand même des incohérences, mais le fait de vouloir tout expliquer comme ça dans ce jeu là, c'est dommage. Pour moi, ça reste un jeu fabuleux parce que. C'est du fanservice 100%, mais c'est l'un des épisodes les moins accessibles, en vrai. Vraiment. Est-ce que c'est pas à partir de là, justement, Konami et Kojima, ça va commencer un petit peu à... Parce que je veux dire, les gens de chez Konami, ils ont dû voir ce qui se passait en Metal Gear Solid 4, et je suppose qu'il y a quand même des personnes chez Konami qui ont dû commencer à dire, écoute, gars, bon, on t'a fait confiance jusqu'à maintenant, mais les budgets... sur PS3, c'est plus tout à fait les mêmes que sur PS1. Et Metal Gear Solid 4, pour moi, c'est oui, comme tu dis, j'ai eu l'impression que si t'avais pas, mais si t'as dû le pas à la série, c'est même pas la peine que tu lances le jeu. Enfin, c'est vraiment un jeu pour les fans. Le truc, c'est qu'il a fait un jeu pour les fans, mais c'est dommage parce que musicalement, ça reste l'un des scores les plus mémorables. Rien que la scène d'intro, quand Snake il fait War has changed et qu'il t'explique comment la guerre elle est, la cinématique, la musique et tout, c'est mise en scène, c'est fabuleux. Ah non, mais ça c'est bien fait. La combinaison hein, qui change de couleur en fonction de la hauteur, franchement, ça c'est stylé. Non, mais en fait, le gameplay, il est bon. Le gameplay, on va dire qu'il préfigure ce que sera le gameplay dans MGS5. Oui, mais là. Mais par contre, quand tu commences à parler de rythme pas du tout maîtrisé, non. De dialogue interminable et ce genre de choses, là, on va commencer à parler directement de ce qui se passe aujourd'hui avec Death Stranding, quand même, et de l'incompréhension de certains joueurs. C'est le problème, il est là. C'est que Kojima fait du Kojima. On ne peut pas lui en vouloir de faire ça, parce que c'est sa faute, sa vision du jeu. Aujourd'hui, les gens qui sont surpris par Death Stranding, j'ai envie de dire, c'est des gens qui n'ont pas joué à Metal Gear Solid 4. Exactement, qui ne connaissent pas le personnage. Quelqu'un qui connaît MGS, qui a joué et qui aime ça, a des chances d'apprécier Death Stranding. Moi, je ne peux pas juger, j'y ai pas joué. Mais ça m'intrigue quand même parce que c'est du Kojima, donc je me dis qu'il y aura des choses qui vont me plaire dedans. Et puis faire des grenades avec du caca et du pipi. Bon, ça te fait rêver, ça. Là, ça me parle. On avance un peu rapidement parce que c'est déjà la même. Kojima, donc ensuite, a dirigé entièrement donc, le Peace Walker sur PSP. Je n'y ai jamais joué. Moi non plus. Jeu totalement injouable sur PSP. Par contre, en termes d'histoire, il est exceptionnel. Si je peux vous conseiller quelque chose, si jamais vous n'avez pas envie d'y jouer, regardez juste les cinématiques. Parce que les cinématiques sur PSP sont dessinées par Ashley Wood. Ah, mais c'est ce que j'allais dire, je voulais en parler tout à l'heure, c'est que c'est présenté sous forme de bande dessinée, de comics américains. C'est absolument somptueux. C'est un truc de fou. Le jeu est quasiment intégralement doublé sur PSP. Ouais. C'est les doubleurs d'origine. Toutes les cinématiques sont en bande dessinée et non en format cinéma, comme les autres. Et du coup, ça donne un cachet vraiment génial. Mais il est ressorti aussi sur 360 et PS3, celui-là. Hein, donc. Oui. J'ai pas entendu parler. Il fait partie de la version HD, Oui. Bah, c'est plus jouable parce qu'il y a un deuxième joystick. Parce qu'il faut dire que sur PSP, t'as pas de deuxième joystick. Ouais. Et donc, à diriger, c'est une purge et c'est dommage. Ouais. Donc, si vous pouvez privilégier la version 360, autrement, si vous avez pas envie, regardez juste les cinématiques. C'est long. L'histoire, qu'est-ce qu'il y avait bien. L'histoire est fabuleuse. D'accord. Ok. On n'a pas parlé du Metal Gear Online aussi, hein, qui a été un super gros succès, dont il a tout dirigé aussi. Le fait de pouvoir jouer à Metal Gear. MGS4, ça. C'est ça. On pouvait jouer en ligne et se tirer dessus et tout, dans pas mal de maps. Et oui. Qui était l'extension donc du mode multi qu'on trouvait dans Metal Gear Solid 3, Snake Eater, la version subsistance. Voilà. Là, ils en ont fait une version qui a très très bien marché. D'accord. Vraiment. Qui était un mode qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, jusqu'à pas longtemps. Donc maintenant c'est mort parce qu'il n'y a plus de serveurs, mais ils font le Discord. Et donc, toujours pour avancer, parce que c'est déjà 23 heures, l'heure tourne, sur la dernière génération console, donc en 2014, Kojima va offrir deux démos, entre guillemets, qui vont faire parler. Le Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, ouais, qui sera une grosse démo, on va dire, mise en bouche. Un peu une escroquerie pour moi, mais... Une escroquerie, c'est-à-dire €30 la démo, c'est un peu cher. Hein. Je me suis fait baiser aussi. Hein. J'avais acheté ma PS4 justement parce que le jeu sortait. Et quand j'ai vu qu'il... En fait, quand j'ai vu qu'il était sorti à €30, je me suis dit... Ah, il a prévenu que c'était pas le gros jeu, mais ça doit être conséquent, tu vois. Et en fait, j'ai fait « Ah, d'accord ». Alors heureusement, j'avais eu un autre jeu avec. Moi, je l'avais pas acheté à l'époque parce que j'ai pas pris la carotte. Je l'ai acheté à 5 euros plus tard, mais j'avais pas pris la carotte. Et je comprends que les gens rigolaient. Hein. Ah ouais, ouais. Parce que 30 euros pour ça... Surtout qu'il y a des trucs intéressants dedans, en plus. Bah, on commence à t'expliquer ce que va être le 5. Oui. C'est vraiment avant le 5, il faut jouer à ça. C'est des trucs qui ne seront pas dans, tu vas le dire sûrement, le titre du second, la Beyond. J'allais parler de la seconde démo rapidement sortie en 2014 qui va beaucoup faire parler. Oui, le fameux Pity. Ah Pity. Oui, je croyais que tu voulais parler de ça. Playable teaser, donc Hideo Kojima et un inconnu, là, Guillermo del Toro, là. Qui fera le film La Forme des Water. Je sais pas si vous connaissez. Et puis Norman Reedus, hein, déjà. Et donc qui sera une espèce de réécriture de Silent Hill. Parce qu'il a toujours dit qu'il voulait faire un Silent Hill, qu'il voulait reboot Silent Hill, c'était une de ses obsessions, il voulait. Et qui mettait déjà en scène Norman Reedus. Hein. Mm. Et que Kojima, il n'en doutait pas, est quelqu'un qui aime les films d'horreur. Oui. Totalement. Mais... Alors là, les retours étaient excellents sur cette démo. Hein, franchement. Ah oui, tellement excellents que quand ils ont annulé la démo qui était sur certaines consoles se vendent maintenant à des prix. Oui. Le jeu avait l'air totalement fantastique. Et juste un petit truc. Un truc qui est apparu, parce que certains qui ont un peu cassé le jeu, là, j'ai vu ça la semaine dernière. C'est tout récent, il y a une semaine ou deux. Pas plus. Avec un fantôme, non? Ouais. Ils se sont rendu compte qu'en fait, le fantôme qui hantait les lieux et tout ça, en fait, suit le joueur depuis le début. En fait, il est toujours derrière toi. Dans le jeu, systématiquement derrière toi. C'est horrible. C'est incroyable. Le mec avait pensé à tout, quoi. C'est juste fou, quoi. Non, mais en plus, il a été aidé par Guillermo del Toro et c'est pas un manchot. Quand tu vois les images, qu'en fait, tu vois que le fantôme était systématiquement derrière toi, c'est encore plus. Oui, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très bien. Ah, c'est génial. Donc, oui, Pity, vas-y, continue. Ouais. Pity qui fait vendre des consoles à lui tout seul, hein, d'ailleurs, puisque. Oui. Enfin, tu vas peut-être y venir bien. Non, du tout, non. J'allais dire. Que effectivement, la démo a disparu du PSN. Elle était téléchargeable à un moment aux personnes qui l'avaient téléchargée à l'époque. Ils pouvaient la retélécharger. Je crois que c'est même plus possible aujourd'hui. Non, c'est fini. L'astuce ne fonctionne plus. Donc là, on peut vraiment plus du tout. Donc les consoles qui l'ont dessus, effectivement, se vendent. Se vendent à prix d'or sur eBay. Voilà, j'ai toujours installé sur ma console. Moi, N'efface jamais. Hein. Moi, j'ai jamais téléchargé, donc j'ai jamais fait. Moi non plus. Le truc, c'est que le problème, c'est que là, on va commencer. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on va commencer, donc il y a déjà 5 ans, à réellement voir apparaître les dissensions entre Kojima et Konami. Ah, bah, c'est là que ça a explosé, ouais. Et alors, à quoi c'est dû? On ne sait pas trop, on n'est pas... D'après ce qui se dit, c'est parce qu'il a pété tous les budgets et que surtout, il a fait comme il a voulu. Je croyais que c'était autre chose, moi. Je pensais que c'était son côté incontrôlable, au point même qu'ils étaient obligés de l'enfermer dans la... Non, ça, ils l'ont enfermé dans un placard après, quand ça a commencé à être n'importe quoi, mais de base... Pour l'empêcher de quitter la boîte et de terminer son jeu, quoi. Carrément. Oui, non, parce qu'il a pété tous les budgets, mais lui, il demandait encore plus. Et au bout d'un moment, Konami a craqué, il leur a dit non, mais d'accord. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que donc, l'année suivante, en 2015, sortira le cinquième épisode de Metal Gear Solid, La Douleur Fantôme, nous apprécierons le sous-titre, qui, évidemment, est sorti dans la douleur. C'est un truc qui existe vraiment, hein, la Douleur Fantôme. Bien sûr. Et en plus, le titre s'explique très très bien par rapport au jeu. Hein. Ouais. Ah bah oui. Mais j'ai pas fait réellement, voilà, le jeu sortira, ou une des premières choses que diront les gens qui joueront à Metal Gear Solid 5, c'est c'est du Kojima, mais avec amputé. Voilà, avec l'ordre de faire ceci, faire cela. Alors ça, ça marche. On fait ça maintenant. Amputé. Non, mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est que il sort, il a changé le système d'infiltration. Là, on a un jeu en termes d'infiltration qui, pour moi, reste la meilleure chose. Il a mis le peut-être tellement en termes d'infiltration, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment t'inquiéter. Ah, pardon. C'est vraiment phénoménal. Mais en contrepartie, il a sacrifié ce qu'il faisait ton Kojima, c'est il n'y a plus de cinématique. Si tu veux avoir le lore, si tu veux avoir des explications, il faut trouver toi-même les cassettes. C'est sur cassette. Il faut écouter les cassettes. Ouais, c'est cassettes à collectionner, ouais, c'est vrai. Ou alors, tu prends du temps, comme ce que j'ai fait, et t'écoutes tout. Mais la scénarisation, il y en a très très peu. On t'explique moins de choses. Il y a un pan du jeu qui a été purement et simplement enlevé. Il y a tout un chapitre qui a été enlevé. Le jeu a été reçu de manière extrêmement positive, hein, pour autant. Oui, alors que je déteste ce jeu. Et pourtant, je suis fan de MGS, de Metal Gear, mais je déteste ce jeu parce que... Mais genre, tu l'aimes moins ou c'est vraiment tu le détestes ? Je l'ai poncé en long, en large et en travers, mais le simple fait de te dire t'as des missions et tu vas devoir les refaire en boucle, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. La répétitivité du jeu avait été beaucoup pointée du doigt par les joueurs. Ouais. Et c'est vrai, mais c'est vrai. Le jeu répétitif, il y a des trucs fabuleux. Mais puis, il y a le fait aussi, c'est là où tu vois qu'il avait commencé vraiment... Ça a venu vers le cinéma pur et dur quand il a décidé de virer David Hayter et de prendre faire Sutherland pour faire Snake. Même s'il y a une explication par rapport au jeu, par la suite, la façon de faire, il a dit à personne qu'il voulait plus David Hayter et David Hayter l'a appris sur Twitter, en fait. D'accord. Qu'il ne le faisait pas. Uh-huh. Oui, c'est l'idée. Mais non, mais il n'en est pas à son coup d'essai, parce que pour Death Stranding, le rôle de Léa Seydoux, Stéphanie Houston, celle qui joue Quiet dans MGS5, elle devait faire le rôle de Léa Seydoux, sauf qu'il l'a jamais averti que c'était pas elle, et il a pris Léa Seydoux. Donc il en est pas à son coup d'essai. C'est aussi pour ça que Konami a pété des câbles, parce qu'il faisait des choses mais personne savait rien. C'est dommage, quoi. Et donc oui, on le sait que des contenus ont été supprimés parce que les data miners ont retourné le code et ont pu voir effectivement que beaucoup de choses dans le jeu ont été vraiment enlevées. Oui, dont une partie du scénario qui était très très importante. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'à un moment, quand on passe sur une console comme la PS4, le temps de développement, les moyens nécessaires ne sont plus du tout les mêmes qu'à l'époque de la PlayStation. Et c'est plus, voilà, c'est là maintenant, le souci de rentabilité est extrêmement présent, bien plus qu'il ne l'était avant, je pense. Et rentabilité, c'est juste que voilà, plus la somme engagée est grosse, plus on est dans la même chose qu'aujourd'hui dans le cinéma, comme on a dit, on a eu l'occasion de le dire notamment avec l'adaptation de Gun, Battle Angel Alita. Les sommes sont tellement importantes derrière que. Il y a des moments où, oui, évidemment, tu sens que les personnes sont bridées parce qu'il y a une réalité. Voilà, c'est juste des sommes extrêmement importantes faites pour en gagner des sommes encore plus importantes, quoi. Oui, et en plus, dans le cas de Kojima, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il était bridé dans une certaine mesure chez Konami pour Death Stranding. Il ne l'est pas. Et c'est là où on voit la différence. Parce que Death Stranding, c'est tout. C'est le même sorti. Donc Death Stranding, il sort 4 ans après Metal Gear Solid 5. Il a eu le temps de faire son jeu. Je ne sais pas niveau budget ce que ça représente, mais... ça a dû coûter bonbons déjà. Rien au niveau moyen technique et humain, donc il a récupéré le moteur Decima, qui est le moteur d'Horizon Zero Dawn. Et il a eu une grosse partie de l'équipe pour bosser avec lui sur Death Stranding. Ce qui est une aubaine, clairement, pour le côté technique du jeu. Je vais revenir rapidement sur Pity, parce que donc j'ai une dizaine d'heures sur Death Stranding. Il n'a pas abandonné l'idée de faire de l'horreur, et c'est sans doute pour moi une des choses les plus réussies dans Death Stranding. Ah oui, alors c'est marrant que tu dis ça, je l'avais lu, je voulais revenir là-dessus. C'est qu'il y a un côté horrifique, effectivement, et ça, c'était pas dit. Il y a un sacré côté horrifique et c'est sacrément bien fait. Et c'est vraiment une des choses qui marche le mieux dans le jeu, c'est l'ambiance horrifique. Ça marche, mais vraiment, ça marche super bien. Ouais, je ne savais pas ça, tu vois. C'est ce qui fait que le jeu est, bon, outre le côté what the fuck de certains éléments comme bébé, c'est ce qui fait le plus que le jeu est pas très enfant friendly. Voilà. Ouais, c'est que en non, mais termes ça, t'as charge raison, d'angoisse, t'as raison de le dire. T'as raison de le dire. Le truc, il est fou. Ça marche vraiment très très bien. Et toi, qui es fan de horreur, ça te plaît bien? Ah oui, moi forcément. Moi, en tant que voilà, fan de films d'horreur, ça, j'ai beaucoup aimé certaines cinématiques, en particulier la façon dont le jeu installe son univers au début avec un côté très sombre, très horrifique. Ouais. Ça fonctionne. C'est vraiment une des choses qui fonctionne le mieux. Ah, c'est bien. Après, voilà. On a l'occasion de revenir sur Death Stranding, je pense, quand déjà plus parmi nous y auront joué. Ouais, moi, ça sera pas tout. Mais bon, moi Death Stranding... Sur le fait que moi, j'ai l'impression, au bout de 10 heures, que le jeu a toujours pas commencé, ce qui est quand même mais tu sais ce un peu étrange. Pour moi, c'est du Kojima en roue libre. Oui. C'est du Kojima en roue libre. Il n'y a plus personne pour dire... Tout à l'heure, on parlait d'une cinématique de fin de 3 heures et quelques... Oui. Ah oui, je pense. Ouais, et là, c'est une cinématique de début de 2 heures. Hein. Non, mais en fait, c'est ce qui explique aussi. 3 heures de cinématique de fin alors, dans si MGS4, c'est même pas la plus peine. Quasiment plus de cinématique dans MGS5. Oui. Il a compris le truc. Hein. Techniquement, les 3 premières heures de Death Stranding, il y a environ une demi-heure de gameplay. Oui, voilà. Et sachant que, en tension, c'est du Kojima, c'est-à-dire qu'il c'est se ça. Va tout te jeter à la gueule, ouais. Et dont notamment des personnages que 10 heures après, j'ai toujours pas revu. Hein. Et c'est ça tout son problème, je suis d'accord. Tu dis, mais au niveau cohérence, tu fais oui, d'accord. Mais alors, le personnage qu'on a vu, non, mais plus tard. Ouais, mais plus tard, c'est loin, quoi. il fait des jeux pour les gens qui aiment ces jeux. Mais Death Stranding, c'est un jeu pour les gens qui connaissent Kojima. C'est pas un jeu pour les nouveaux arrivants. Tu peux pas appâter quelqu'un avec un jeu comme ça. C'est difficile. Et c'est tout son problème. Il fait des jeux pour une niche qui est la sienne. Une grande niche quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces jeux. Bah oui, il a une fanbase colossale quand même. Mais je dirais que moi, ce qui me dérange le plus, c'est que autant des fois, on a l'impression de voir quelqu'un qui, comme tu dis, qui a des références, qui maîtrise ses références. Dans le côté horrifique, j'ai beaucoup aimé, maîtrise ses références, qui sait les digérer et les ressortir pour les mettre dans son jeu. Autant des fois, on a l'impression, je sais pas un gros mot, ce que je vais dire, on a l'impression de regarder un film de Luc Besson. C'est-à-dire que on a l'impression que ça a été écrit par un ado de 50 ans. Bah, après, il faut se dire un truc, c'est qu'il n'est pas tout seul à écrire. Hein. Il y a Shuyo Murata qui l'a rejoint sur Peace Walker, parce que les gens ont tendance à oublier. Je parle vraiment de Death Stranding, hein, et de la façon dont Death Stranding est mené, avec des éléments qui peuvent te faire tout à fait rentrer dedans et des éléments qui peuvent te faire tout à fait sortir du jeu. Death Stranding, voilà. Il n'est pas tout seul aussi. Je pense que Murata l'a suivi aussi. Hein. Parce que Murata fait partie des meubles. Murata est un de ceux qui a écrit. Voilà. On a beaucoup parlé de la taille de la carte de Death Stranding. Mais bon, il faut jouer pour comprendre ce qui se passe, donc j'en dirai pas plus pour l'instant. Et je voudrais juste. Ce qui est sûr, c'est que Death Stranding, c'est. Et c'est là où moi, c'est pas à ce point-là, je vais pas insulter les testeurs de jeux vidéo en disant que c'est tous des vendus. Mais je pense qu'à un moment. Lorsque, donc comme on a vu, on finit avec un métacritique aussi élevé pour la presse et aussi bas pour les joueurs, il y a une très grosse incompréhension de la part des joueurs sur ce qu'ils attendaient du jeu. Et surtout, il y a un travail de la presse qui n'est pas fait en n'avertissant pas le joueur de ce qu'il va avoir entre les mains. Non, parce que les testeurs qui l'ont testé aiment Kojima et savent à quoi s'attendre. Donc ils aiment Kojima, la note sera biaisée. Dead Redemption 2. Le même temps de jeu et les mêmes contraintes. Et je vais être encore pire que ça. C'est pas agréable ce que je vais dire, mais je vais le dire. Le petit côté, je suis en train de jouer 2 semaines avant tout le monde à un jeu que tout le monde attend depuis 5 ans. Je suis désolé, ça le rend meilleur. Voilà. Quand tu l'affiches sur les réseaux sociaux, tu dis je suis en train d'y jouer, mais je peux pas en parler. Mais franchement, vous pouvez pas le voir, mais c'est trop bien. Ça, après, c'est une façon... Ouais, voilà. j'aime pas ça non plus. Mais comme je dis, moi, je sais que c'est un jeu qui va plaire à ceux qui aiment. Alors après, comme je l'ai dit, c'est l'histoire du chat. Le chat, tu lui files un truc à bouffer. Il mange pas, il le vole, il le mange. Après, en général, hein, les... moi, il y a un truc que j'appelle l'effet Marvel versus Capcom Infinite, qui est en fait les testeurs, la commu et tout. Ouais. Ils disent, nous, on est en train de tester un truc, c'est trop bien, mais vous, vous pouvez pas l'avoir. Puis en fait, derrière, quand ils jouent, tu dis, quoi ? Ah bon ? Pardon ? Vous êtes sûr, là ? Vous n'êtes pas foutu de nous ? Bah, voilà. dis-toi, c'est généralement l'effet inverse, en fait. Bah, y a une bonne partie des joueurs, quand ils ont découvert Death Stranding, je pense que c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris. Mais en même temps, les testeurs, ils ont les références, ils connaissent Kojima, ils savent à quoi ça tourne. Voilà. Mais alors, oui, voilà. Donc, c'est difficile. Je ne veux pas faire l'avocat du diable pour rien du tout, mais je pense qu'ils sont sincères quand ils disent qu'ils ont aimé. Oui, mais le problème, c'est que quand tu es là et que tu expliques ce que c'est le jeu, partir du principe que c'est un jeu qui ne s'adresse pas à tout le monde. Et moi, j'en connais qui ont aimé quand même. Enfin, je veux dire, pas dans les youtubeurs, justement, j'en ai pas vu encore des vidéos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais j'ai des amis à moi qui ont joué, ils ont adoré, hein. Mais vraiment, je dis. Ah non, mais il y a des gens qui vont adorer, mais imagine-toi la personne qui ne connaît pas Kojima. Ah bah oui, oui. Alors justement, tu le dis, c'est que le mec qui m'a dit justement avant-hier qu'il avait adoré le jeu, c'est quelqu'un qui est fan de Metal Gear, quoi, tu vois. Voilà, mais quelqu'un qui ne connaît pas le lore Kojima, tu lui mets ça d'entre les mains. Ah ouais, non, mais tu là, vois je un type où il craint des grenades avec son pipi et son caca, il se promène avec un bébé. Ah, mais j'en doute pas une seconde, c'est pour ça que moi je suis sûr que je vais kiffer. Mais vraiment, je suis sûr que je vais kiffer. Mais bon. Ouais. Oui, je pense, il y a des chances que moi. Alors, y a des chances c'est que moi sûr aussi, que tu vas kiffer. Alors, ben, on en reparlera quand tu commenceras à m'appeler à l'aide, quand tu comprendras rien au gameplay, parce que le jeu te noiera sous les explications et que tu te souviendras plus qu'on vient de te dire une demi-heure avant. Mais non, parce que j'ai un QI de 154, Beyond. Il y a des moments, j'ai fait pause. Il ne jouera pas assez longtemps pour oublier ce que le jeu lui a dit. Que, ben, je ne me souvenais plus ou que le jeu ne m'avait pas donné des éléments essentiels. Il te dit, le jeu va construire ça, d'accord. Comment je fais avec la manette ? Sur quel bouton j'appuie ? Il te le dit pas. Et tu as bien fini par le trouver, quand même. Sur Internet. Sur Internet. Mais alors, comment ils ont fait, les testeurs ? Ils l'ont bien eu. Mais parce que, bon, ils parlent entre eux, tout ça, mais c'est totalement contre-intuitif. Non, mais après, faut pas oublier qu'il y a des joueurs pour qui ça va être naturel, et des gens pour qui ça sera moins... Si, c'est... Il y a des choix qui sont faits que... Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu, il y a beaucoup de possibilités et sur le coup, il a fallu. Alors, tu verras, Pelle, tu vas te. Entre les appuis longs, les appuis courts, les maintenir quatre coups de touche appuyés en même temps pour faire un truc. Arrête, oh, tu es dans le jouer là. Mais j'ai lu un autre test assez rigolo qui disait que finalement, ils auraient juste présenté ça comme une simulation de trekking, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, mais après, c'est de la mauvaise foi de dire ça, étant donné qu'il a été considéré comme un simulateur de marge dès le début. Oui. Je suis désolé, hein, mais dès le début, tout le monde le disait que ça allait en être un. Kojima, il n'a jamais dit que ça n'allait pas en être un. Il a même dit clairement que oui. Et d'ailleurs, c'était la conclusion du test du Monde. Hein. Ils ont dit un excellent simulateur de randonnée, 17 sur 20. Oui, mais c'est... Le jeu, c'était ça de base. C'est ce qu'il voulait faire avec une histoire autour et tout. Mais il voulait que tu voies le monde, que tu ressentes le monde, que tu marches dedans. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Alors après, attention, si t'aimes ça, c'est la physique d'Horizon. Alors vous attendez pas. Je sais. J'ai vu 2-3 trucs qui m'ont beaucoup fait rire. Elle est un petit peu plus boostée hein, quand même. J'ai dit. Non, mais ça peu importe. Je dis c'est fort pour les jeux. C'est au niveau réalisme. Il y a des choses qui sont sensationnelles. Voilà. N'ayez pas peur des pentes à 45 degrés. N'ayez pas peur. Et juste avant qu'on finisse, je voulais revenir sur MGS4 et on parlait de Kojima et sa façon de se mettre en scène. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans MGS4, dans MGS5, dans Phantom Pain. On savait qu'il allait se faire virer. Oui. Il y a une mission où tu dois aller sauver quelqu'un. Ah oui, tu parles du message qui était écrit là. Voilà. Non, même pas. Il y a une mission où on te dit va sauver ce type-là, c'est un interprète, il a besoin de toi. Tu te casses le cul, tu fais toute la mission. Le type a un sac sur la tête, t'enlèves le sac, et à votre avis, c'est qui le prisonnier qu'il faut libérer ? Ah oui ? C'est Kojima. Il s'est modélisé avec les lunettes et tout. You keep me waiting. Hein. Voilà. Kojima dans toute sa splendeur. Même là, il arrive à balancer des crottes de nez à Konami en disant « Je suis prisonnier, libérez-moi. » Il n'y a pas plus fabuleux. Mais comme je dis, on aura largement l'occasion de revenir sur Death Stranding quand Pelle aura joué plus d'une heure, c'est-à-dire quand Mora aura fini le jeu. C'est-à-dire d'ici 2 ou 3 ans. Ouais, il a même pas envie d'y jouer, il a dit. Moi, je dis que j'y jouerai pour pouvoir. J'ai dit que j'y jouerai pour pouvoir cracher dessus. Des grenades. Je dirais que je pourrais. C'est un chef-d'œuvre. pour que j'y jouerai pour pouvoir y cracher dessus en toute bonne foi, quoi. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Alors, si vous me permettez, je vais faire la présentation de mon jeu, parce que ça va pas durer un quart d'heure. Non, ça va pas, il n'y a pas besoin d'en parler aussi longtemps que ça. Ça va, Chou, c'est bon, ça va, je peux... Bah, moi, je suis sur le point de dormir sur mon clavier, mais après, c'est bon, hein, t'inquiète pas, non, mais il n'y a pas de problème. C'est juste que bon, là, j'ai eu une journée assez rude, donc je suis un peu mort, désolé. Ok, mais voilà, ça va pas durer 50 ans. Pas de soucis, t'inquiète pas. Je vais pas parler d'un jeu, je vais parler d'une paire de jeux. Soit de deux jeux. En un, c'est plus mal. Game Boy. Non, pas du tout. Je vais parler déjà d'un jeu et de sa suite. Alors, sa suite, c'est même pas sa suite. C'est un jeu qui est basé sur exactement le même principe, qui est fait par la même équipe, mais qui est sorti sur une console totalement différente. Je vais parler à la fois d'un jeu MVS et d'un jeu PS1. Et là, ça devient plus compliqué déjà. MVS, je dis, parce que c'est un jeu qui est sorti en arcade, mais qui n'est jamais sorti sur version de salon, jamais sorti en AES. J'en oublie. Et c'est un jeu qui, en plus, avait une borne d'arcade dédiée particulière, qui est un jeu qui est le seul jeu Neo Geo, enfin MVS, qui fonctionne avec un trackball. Je sais, Irritating Maze. C'est un jeu qui s'appelle The Irritating Maze. Ah oui, mais je connais, c'est un jeu que j'adore. Ça, monsieur Chou, bravo. Hein. Ah, bah, mais moi, t'inquiète, hein, tu parles non, de mais... trackball. Ou... Ouais, bah, non, mais c'est ouais. Ça, tu parles d'arcade, ah, trackball. Je l'avais aussi, puisque t'en avais déjà parlé. Beyond... Depuis combien de temps vous m'avez pas entendu parler? C'est juste une question. Ah, ça va faire plusieurs minutes, je pense. Oui, ton micro était coupé? Mon micro était coupé, et je sais pas pourquoi. Et ah, j'avais parce plusieurs. Que on t'a taunté tout à l'heure, t'as même pas répondu. Oui, je... bah, ouais, bah, ok. Ça se trouve, ça fait plus d'une demi-heure, mais bon, bref. Et donc, le jeu est basé sur un show japonais télévisé où le but du jeu, c'est que personne doit utiliser donc un bâton, une canne qui est conductrice et la faire passer dans un parcours sans en toucher les bords. Alors, pour arriver à mieux visualiser le truc, c'est un petit peu comme ces jeux d'enfants où vous avez un espèce de rond métallique qu'il faut faire passer autour d'un fil sans jamais le toucher, sous peine que ça buzz. Ou encore, mieux et plus précis, un jeu qui fait également penser à beaucoup à Kuru Kuru Kururin, oui, sur Game Boy Advance. Et donc, l'idée, c'est que c'est tout à fait le même principe, où vous avez juste cette espèce de rond au milieu du parcours et qu'il faut aller au bout du parcours. Donc la bande arcade est équipée d'un trackball qui permet de varier la vitesse et de contrôler sa trajectoire. Et c'est pas seulement ça. La borne est en plus équipée de lumière et en plus elle est équipée de, et c'est là que les Japonais sont fous, d'espèces de canons à air comprimé qui vous pètent à la gueule lorsque vous touchez le bord. Pour, vous savez, le côté irritating du titre, là, tout ça. La borne est électrifiée, tu reçois du... J'y ai pensé. C'est pas à ce point-là, mais quand même, t'as de la lumière et t'as le truc qui te fait pâque à la gueule, quand même. Très bien. Et il y avait même une option sur la borne haut de gamme qui permettait d'enregistrer son parcours sur il y avait une feuille imprimée avec le premier niveau et il y avait le trait dans le niveau pour montrer par quel parcours vous aviez pris. Ben alors du coup, si c'est comme Kuru Kururin, la sphère, elle se déplace toute seule de base et tu la diriges. Non, c'est toi qui la déplace avec le trackball. C'est toi qui dirige et c'est toi avec le trackball qui gère la vitesse et tout ça. Ah d'accord, ok. Et le problème de Irritating Maze, vous pouvez y jouer en émulation. Le souci, c'est qu'évidemment, vous n'avez pas le trackball. Voilà, c'est le plus gros problème. Donc ça reste. Après, à la souris, c'est jouable. Mais c'est pas la même sensation. Surtout que moi, j'avais joué une fois dans une fête forêt et une fois dans une salle d'arcade. Et les trackballs, en fait, étaient réglés différemment. Alors, j'ignore si on pouvait régler la sensibilité dans le BIOS. Il me semblait pas que le BIOS Neo Geo est capable de faire ça. Mais en fait, le premier avait une inertie dégueulasse qui rendait le jeu injouable, et le second, en fait, était ultra sensible, ce qui rendait le jeu ultra agréable. Donc, pour le coup, si vous jouez avec un trackball en ému, n'hésitez pas à adapter la sensibilité pour faire en sorte que seulement avec vos index, et aussi un peu le pouce pour contrôler en fait la sensibilité du trackball, vous puissiez contrôler en fait la bouboule. Oui, oui. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que c'est pas évident ce genre d'explication. Et donc, le truc, c'est que, bon, donc c'est assez difficile de jouer à ce jeu aujourd'hui, avec la souris en émulation, vous pouvez essayer avec une simple manette, mais les sensations ne seront pas les mêmes. Et il se trouve que la société a sorti une suite, entre guillemets, qui en fait juste une nouvelle itération du titre, qui s'appelle Irritating Stick sur PlayStation, qui est sorti au Japon et aux États-Unis uniquement. Et vous allez devoir faire la même chose, mais avec en plus des environnements 3D. C'est un jeu qui est... à l'heure actuelle, sur GameFAQs/GameRankings, il y a 2382 jeux PS1 référencés, pour être précis. C'est pas mal. C'est le 19e au niveau de la difficulté. Ah ouais, quand même. Irritating Maze, déjà, passer le deuxième vers le troisième niveau, si t'arrives déjà à passer le premier niveau la première fois où tu joues, ou même les premières fois où tu joues, c'est pas mal. C'est que t'es un trop gamer. Ah non, mais c'est pire que ça. C'est très, très, très, très dur. J'ai fait découvrir il n'y a pas longtemps le jeu à mon cousin qui ne connaissait pas du tout. Et j'aurais bricolé en fait un bar top trackball, pour être précis. Du coup, j'ai fait découvrir aussi le jeu à sa copine. Mmh. Et en fait, sa réaction, c'était « Waouh, mais c'est super dur !» Et en fait, au bout de 5-10 minutes de try-hard vraiment intense, voilà, quand même réussi à limite terminer le premier niveau, mais c'est pas un jeu qui est... Enfin, quand on joue au trackball, en tout cas, c'est pas un jeu qui est très accessible. Par contre, à la souris, c'est beaucoup plus simple, là, on est d'accord. Et donc, Irritating Stick va compenser le manque de trackball de la PS1 d'une manière assez originale. Il va vous permettre de gérer la vitesse de déplacement de la boule. C'est-à-dire que vous avez de 1 à 5, vous pouvez gérer la vitesse de déplacement, 1 étant le plus lent et 5 le plus rapide. Ça ne sert pas uniquement si vous êtes plus ou moins habile, ça sert aussi dans les niveaux, puisqu'ils vont tellement péter les plombs au niveau des obstacles que... ça va aller même jusqu'à un roller coaster qui va vous suivre la boule, et vous allez avoir des moments où vous devez ralentir, accélérer, des moments où... Enfin, bref, c'est le moment pour moi de faire un big up à un streamer que j'aime beaucoup, et un streamer anglo-saxon qui s'appelle Gunstar Heroes, qui est sur la côte est des États-Unis et qui a joué et terminé Irritating Maze récemment. Et donc, je vais juste rapidement, si ça veut bien, hop là, coller, pof. Voilà, je vous mets le lien pour la première partie de son walkthrough et la deuxième partie. Hop, rapidement, pouf, voilà. C'est quelqu'un qui est absolument adorable, vraiment, toujours sympa, qui essaie de rester cool, tout ça. Je ne l'ai jamais vu dans cet état-là en jouant à un jeu. Jamais. Même sur Sonic Spinball, qu'il a bouffé sa manette pour terminer, je l'ai jamais vu dans cet état-là. Tellement il s'est énervé. Voilà. Bah, dit comme ça, ça ne donne pas envie de jouer au jeu. J'ai jamais joué au jeu, hein, mais dit comme ça... Mais c'est comme Kuroin. Au début, c'est sympa, c'est rigolo. Et plus ça devient dur, plus ça avance, plus je dis mais ça ne va pas. Voilà. Bref, c'est un jeu qui coûte pas extrêmement cher, mais bon, vu qu'il faut le faire venir des États-Unis, ça va être dur de s'en tirer pour moins de 40-50 euros aujourd'hui, malheureusement. Mmh. Voilà. Un petit big up à Gunstar Heroes, c'est un Américain, si vous voulez le voir de temps en temps. Il fait un petit peu ce que tu fais, Moa, avec 64 Ever. Lui, il le fait avec la Game Gear. C'est un fou de la Game Gear qui s'est mis dans la tête de finir tous les jeux sur le support. Ok. Voilà. Okay. Et qui, donc, fait pas mal de rétro. Le bonhomme est sympathique. Et jeu qui avait été vu aussi, puisque c'est toujours un petit peu dans les streamers américains qui font partie des communs. C'est un petit peu, il y en a un qui fait un jeu un jour et donc sur le coup tout le monde veut y jouer. Il y a également un autre streamer qui s'appelle Pete Dore, qui l'a fait aussi récemment, qui est connu parce qu'on le voit régulièrement au GDQ dans les segments off-full en particulier. Voilà. C'est lui qui avait joué au fabuleux jeu de course Jaguar il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, tout le monde oui. Se souvient, avec les trois polygones ennemis. Ou un chat. Voilà. Et donc, évidemment, ça donne pas envie d'y jouer dit comme ça. Oui, effectivement. Juste pour le principe, c'est un jeu à essayer une fois. Et d'ailleurs, la chose rigolote avec la borne d'arcade, même Irritating Maze, c'est que bah, elle ressemble pas du tout aux bornes en fait MVS classiques, à savoir les bornes noires et rouges. Oui. En fait, elle ressemble à rien et elle est toute moche. Mais c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a marqué. La première, en fait, quand j'y ai joué à l'époque, je savais même pas que c'était un jeu Neo Geo. Sans rire. J'ai jamais vu la borne. Parce que pour moi, la borne, ça ressemblait tellement pas aux bornes Neo Geo entre guillemets classiques. Pour moi, je savais pas que c'était un jeu Neo. Et c'est plus tard, en redécouvrant en fait la ludothèque de cette machine, je me suis dit putain oui, ça existe. C'est l'un de mes jeux jouables au trackball préféré. Hein. C'est même peut-être même mon préféré. Bah, moi, je suis déçu qu'ils aient pas mis l'électricité comme Pelle l'avait dit. Hein. Ça aurait été plus rigolo. T'as raté. Oui, voilà. Ça aurait été fabuleux. Non, c'est vraiment, en tout cas, Irritating Maze, un bon jeu, mais bon, j'ai jamais joué en fait à la suite. Je savais que ça existait. J'y ai malheureusement jamais joué. Mais si vous avez l'occasion. Ça fait partie de ces jeux qui ne sont pas extrêmement courants, mais pas extrêmement recherchés, donc sur le coup, pas extrêmement chers. Voilà. Oui, et au pire des cas, il y a quelque chose qui s'appelle EMU. EMU. Oui, je pense que ça va fonctionner en émulation. Voilà, au pire des cas. Ouais. Et ça me fait toujours penser, c'est tout à fait le même genre de jeu, un autre petit jeu Wii que j'aime beaucoup, d'adresse, pareil, qui est facile au début et qui peut rapidement vous énerver beaucoup, qui s'appelle Kororinpa. Si vous avez l'occasion de jouer, c'est simple, vous prenez votre Wiimote à l'horizontale dans la main, comme ça, là, et vous imaginez qu'à chaque inclinaison, vous faites incliner un plateau sur lequel une bille doit avancer et passer au bon endroit. Voilà. Je crois que c'est l'une des seules utilisations de la Wiimote et du motion control qui est pertinente, pour le coup. Il y avait un mini-jeu dans Twilight Princess, comme ça. Ouais, mais c'était dégueulasse. Mais dans Twilight Princess, oh la vache. Mais le jeu dont tu parles, Beyond, a été rené, une GDQ, non ? Corinne, pas c'est possible. Bonne question. Je sais pas du tout. Tu parles de Mazing ou de Tating Maze, tu parles. Non, Corinne, pas là. Corinne, pas c'est possible. Ah. Oui, parce qu'on voit des jeux comme Monkey Ball qui sont pas très zolaniers aussi. Oui. Mais j'aime moins Monkey Ball. Moi, j'aime bien le singe, il me fait rire. Moi, j'aime bien le jeu aussi. Le singe, il est rigolo. Voilà. Donc, c'était... Merci, Monsieur Beyond, pour la présentation de ce jeu, de ces jeux. Encore une fois, c'est compliqué, parce qu'entre un qui a jamais quitté l'arcade techniquement et l'autre qui n'est jamais sorti en Europe, mais... Ouais, mais bon, je testerai la version PS1. Je vais tester, je vais rager. Une petite chose. Si vous voulez jouer à Irritating Maze et si vous jouez sur votre Raspberry Pi, donc vous allez... Je sais pas pourquoi tu dis ça, monsieur Chou. Ah non, mais parce qu'il y a une raison toute bête. Moi, en fait, j'ai été confronté à un problème. Ah. Qui est qu'en fait, ben, tu peux pas jouer avec un trackball sur RPI. Sauf si tu trouves l'exacte version de la ROM qui tourne pas sous l'émulateur Neo Geo, mais qui tourne sous MAME. Mais pour ça, il faut avoir, comment dire, la tête perchée au-dessus des fesses, chose que c'est une qualité que je n'ai pas. Donc j'ai demandé à quelqu'un qui sait. Et après près de 3 heures de recherche, moi j'ai pas trouvé. Mais alors moi je me souviens à l'époque, oui, qu'effectivement j'ai joué à Irritating Maze, mais avec la version qui était hackée pour marcher avec une manette normale. Voilà. Oui. Il faut trouver ça, d'accord. Alors c'est assez terrible, mais par contre, une fois qu'on l'a trouvé, c'est la folie. Moi qui suis en train de me bricoler un bar-top trackball, j'ai hâte de pouvoir me mettre sur le projet d'ici 3 semaines pour terminer ça. J'attends les photos avec impatience. Je voulais même faire une borne Irritating Maze, tellement j'aime ce jeu. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est tellement peu connu, je crois que je ferai une borne centipède et ça ira très bien. Oui. Parce qu'en fait, la borne Marble Madness, elle ressemble aussi, elle aussi à rien, malheureusement. Donc, sinon, ouais. T'avais Sega Sonic aussi. Oui, mais bon, ça, c'est pas bien. Je crois qu'il a envie de vomir, là. Le fameux Sega Sonic. Donc voilà, Irritatigmes, c'est très bien. Donc, sur le coup, on va remercier, comme d'habitude, tout le monde sur le chat d'avoir été là, de nous avoir écouté, d'avoir participé, tout sur nos choses. La même chose, un petit coucou aux gens qui nous suivent sur YouTube. Désolé d'avoir ricané en arrivant. Et... oui, bah, merci à tout le monde. J'espère qu'on vous aura fait aimer Kojima, Metal Gear. Et si vous n'avez pas compris que dans certains du groupe, il y en a qui l'aiment vraiment, bah... voilà. C'est qu'on a comme mal toi. Fait le travail. Non, vous mentez. C'est pas vrai. Et non, en tout cas, merci. Merci à tout le voilà, monde. On se dit à bientôt. Des bisous. Avec une spéciale cadeau de Noël. Quel Switch acheter pour Noël, pour vos enfants? On dit ça, mais on ne sait même pas encore ce qu'on a comme sujet. Ça va être un sujet du schnapps, vous n'allez pas comprendre. Ah, ouais. Et puis, sujet du schnapps. Et donc? Non, j'ai pas d'idée. Et puis voilà. Et puis, jouer à Metal Gear Rising Revengeance, c'est le meilleur beat'em all de la PS3. Allez, oui, salut. Couper des pastèques. Au revoir. Je suis en train de décéder, avec tes bêtises.